la Druckee édition week-end pour la semaine du 25 septembre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on vous parvient des studios de Cifou à Trois-Rivières. On peut dire que cette semaine, là, pas mal tout le monde autour de nous était malade. Hein. Je pense que David Perron nous a infectés. La semaine s'est allée de mal en pis, mais on a quand même eu beaucoup de plaisir et même des nouveautés. Eh bien oui, parce que Marc-Olivier nous a fait sa nouvelle chronique sportive dans laquelle on a vraiment été curieux. Mm-hmm. On lui a posé comme plein de questions. Et côté nouveautés, bien, Alicia Lemieux nous est arrivée avec une chronique à tendance environnementale et éco-responsable. Ouais, et toujours chez les filles, Stéphanie Paradis nous a parlé de l'univers Marvel sur Netflix dans sa chronique télé Patate de sofa. Toi, tu nous as parlé d'une jeune scientifique qui pourrait être la prochaine Einstein. Et tant qu'à faire, tu nous as fait une liste de choses que les femmes n'avaient pas le droit de faire dans le passé. Et tu nous as fait aussi une petite liste de faits cocasse sur les seins. Il est chronique sur les femmes. Et moi qui ai le rhume, ça me donne une émission où on parle de mal de gorge. Soutien-gorge. Maintenant, c'est le moment de parler de sport. Oui. Dans sport et filoché, on évite le sujet. Marc-Olivier Dumas qui est là pour parler de sport avec nous tous les mardis matins. On est mardi matin? On est mardi matin, je te le confirme. T'es sûr? Oui. Pas mal certaine. Pas mal sûr. T'es mêlé, hein? Peut-être. Tu pensais quel jour? Mardi. Oui, ben, ça tombe bien que tu sois mêlé correctement. Ça. Parfait. Tant qu'à être mêlé, aussi bien être mêlé comme faut. Au moins, je ne retombe pas ici le mercredi en pensant que c'est l'heure de ma chronique. Et... On dirait sûrement que j'en reviendrai. Ouais. T'es occupé, nous autres? Bien vous êtes occupé? Toujours bien occupé. Toujours. Donc, on parle de sport, que ce soit universitaire ou autre dans la région, comme d'habitude. On commence avec quoi? Au début, je pensais que les filochés, c'était pour des recettes de porc et filochés. Fait que je pensais en amener, mais. Non, ce n'est qu'un jeu de mots douteux. Ah. Mais que j'aime pas. C'est ton habitude des jeux de mots douteux. C'est un de mes brefs, celle-là. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec le soccer, en fait, universitaire. Soccer autant masculin que féminin. D'abord, les femmes d'abord. Les équipes de l'UQTR avaient deux matchs cette fin de semaine. Le premier match avait lieu vendredi. Les deux équipes qui étaient sur la route à Concordia, donc ils étaient à Montréal. Mm-hmm. Les femmes d'abord ont fait un match nul de 2-2 dans ce match-là. Donc les femmes qui ont quand même une bonne saison présentement pointent au troisième rang avec une fiche de 2 victoires, 2 défaites et 2 nuls. Donc une saison respectable, c'est le troisième sur 8 quand même équipe. Donc c'est très respectable. Un match nul de 2-2 face à Concordia. Concordia qui est juste derrière les Patriotes, qui les suivent tout juste derrière. Donc c'était quand même un match important. Mmh. L'important, surtout à l'extérieur, c'était de ne pas échapper au moins un point. Là, on est allé voler un point à Concordia, les empêcher de nous dépasser en fait au classement. Donc c'est mission réussie pour les Patriotes. Et le deuxième match féminin, c'était au stade Gilles Doucet dimanche dernier. Et c'est un match nul de 1-1. Hey, les contre... matchs nuls. Oui, c'est nul. Hein? C'est mieux un nul qu'une défaite. C'est vrai. Oui, mais le deuxième match, les Patriotes auraient peut-être dû l'emporter. C'est un match nul de 1-1 face à l'UQAM. L'UQAM qui pointe présentement au dernier rang. En fait, l'UQAM, c'est pas compliqué. Ils ont une défaite et 5 nuls. OK. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont nuls? Non. Non? On non. peut pas. Tania pas sur les ondes de l'université. Ah, okay. On va se le faire dire. Ben, je parle pas qu'ils sont pourris, mais tu sais, c'est juste des matchs nuls. C'est nul un peu comme. On même pas joué tant qu'à ça. Hein? Ben là, voilà. Ils sont stables. Ça, c'est un fait. Là. Eux autres, l'objectif, c'est de faire autant de buts que l'autre équipe. Ouais. C'est ça. Pas compliqué, mais tu sais, c'est pas avec ça que tu fais les éliminatoires ou que tu gagnes des matchs malheureusement. C'est ça. Et comme tu dis, chaque match a l'air bien, bien important tout le temps. Que ce soit au début, au milieu ou à la fin de la saison, ça, c'est un match important tout le temps. Oui, tout le temps. Tout le temps important. C'est important d'aller chercher le nul. C'est important de faire autant de buts que l'autre équipe. C'est ça. Donc, du côté masculin, bon, les matchs étaient identiques. On parle contre Concordia d'abord vendredi soir. Bien, c'est une belle victoire de 3-1 des Patriotes. Donc, les Patriotes qui restent en place pour une place en éliminatoire. Le second match au stade Gilles Doucet était un petit peu moins bien, disons. Mais c'était contre l'UQAM. L'UQAM qui est une des puissances au niveau soccer depuis quelques années et maintenant. Bien, l'UQAM a vaincu les Patriotes 3-0. Donc, une petite dégelée en termes de soccer, quand même. Là, on aurait souhaité de nul. On aurait souhaité une nulle. Oui, celle-là, on aurait vraiment souhaité une nulle. Mais avec le résultat de cette fin de semaine, les Patriots sont présentement au quatrième rang avec 2 victoires, 2 défaites et une nulle. Aussi sur 8 équipes comme tantôt, comme les filles? Non, 7 équipes. Ah, OK. Il y a 7 équipes du côté masculin. Masculine, ouais. Et féminin, il y en a 8. Oui. Pourquoi donc? Parce Bishop. Que ah, Bishop. Bishop a décidé qu'il ne jouait pas au niveau masculin. OK. Mais ils ont bien des étudiants masculins à Bishop. Oui, okay. Ils ont assez d'étudiants masculins pour avoir une équipe de football qui joue dans les provinces atlantiques. OK, mais pas d'équipe de soccer masculin. Non. C'est un choix. Ben, ouais. Tu sais, c'est comme les Patriots. On a une équipe de hockey. Ouais. On a une équipe de hockey masculine, mais on n'a pas d'équipe de hockey féminine. On n'a pas de football, on n'a pas de basket. Ça dépend des endroits, ça dépend de la demande, j'imagine, des joueurs, des gens. Ça dépend du bassin. Faut que tu sois capable de faire une petite rotation du bassin. Mais il y a aussi une règle. Oh, wow. Ah, ouais. J'écoutais comme à moitié, là, j'ai compris 2 secondes. Ah, ouais, t'écoutais à moitié, toi, à 8h le matin. Ah, ouais. Ben là, laisse-moi le temps de me lever. Hein. Mon lit est encore proche. C'est ça. Mais oui, c'est encore ça. L'emprunt, ça joue, non? Ouais, je sais. Mais il y a plusieurs règles au niveau du sport étudiant. Première des règles, il faut qu'il y ait autant d'offres masculines que féminines. Okay. Donc, Bishop, en offrant une équipe de football masculine, il faut qu'elle équivale à quelque part au niveau féminin. C'est ça. Ouais, ça compense. Là, c'est le soccer féminin dans ce cas-ci qui compense pour l'équipe masculine de football. Si Bishop décidait d'avoir une équipe de soccer masculin, ben, il faudrait qu'il crée une équipe féminine de quelque chose d'autre ailleurs. Et les universités, on le sait, ils ne roulent pas sur l'or. Mm-hmm. Donc, des fois, acheter une équipe, il y aurait les moyens pour, mais 2 équipes, ils n'ont pas nécessairement les moyens. Surtout que des équipes de, par exemple, football, ça coûte très très cher, hockey aussi. Donc, c'est peut-être là qu'il n'y a peut-être pas d'intérêt pour Bishop d'avoir une équipe de plus. Mais comment tu fais, disons, tantôt tu disais qu'il y avait une équipe masculine et une équipe féminine qui jouaient dos à dos 2 matchs de fil, mais quand tu joues contre Bishop et qu'il y a juste un match féminin, ça fait une journée où il y a juste un match? Oui, ça fait ce qu'on appelle dans le sport un bye. Un bye? Oui, un bye week. Une semaine gratuite. Ok. C'est comme, mettons, en tennis, là, quand on voit le tableau, ben, ceux qui jouent pas au premier tour, on dit qu'ils ont un bail, donc ils ont un laissé-passer. Ah, je comprends. C'est une semaine de congé, quoi. Cool. Donc, c'est pour ça que Bishop n'a pas d'équipe. Et les Patriots qui pointent présentement au 4e rang, ils sont à égalité avec les Redmen de McGill qui sont 5e, mais les Redmen ont joué un match de plus. Okay. Donc, pour l'instant, c'est les Patriots qui ont le bris d'égalité. Et il reste encore beaucoup de soccer à jouer. Là, on parle de au moins 1 mois et demi encore à jouer. Le dernier match de la saison, pas 1 mois et demi, 1 mois. Le dernier match de la saison aura lieu le 29 octobre. Et ça joue depuis quand? La saison a commencé quand? La saison a débuté à la fin août, 31 août pour être exact. Donc c'est une belle saison quand même de 2 mois, plus les éliminatoires qui ont lieu au mois de novembre. Et ça, il n'y en a pas à l'hiver, c'est seulement à l'extérieur. En fait, il y a la saison de soccer universitaire extérieur à l'automne, et à l'hiver, c'est la saison de soccer intérieur. Je vois la nuance. C'est pas nécessairement les mêmes joueurs. Non. Pas du tout même, probablement. C'est ça. En fait, souvent, c'est les mêmes joueurs qui suivent, mais la saison est différente. La saison est plus courte à l'intérieur, il y a moins de matchs, et les éliminatoires, toutes les équipes font les éliminatoires. Donc, le vrai soccer intéressant, compétitif pour les universités, c'est vraiment... Celui où il y a un enjeu, c'est à l'extérieur. C'est ça, parce qu'il y a un championnat canadien au bout. Le soccer intérieur, on offre ça plus aux différentes universités, aux équipes, pour leur offrir plus de temps de jeu. Ouais. Est-ce que c'est les mêmes entraîneurs à l'intérieur? Je pense que oui, mais bon, je parle à travers mon chapeau. Là. Voilà. Je suis pas sûr à 100%. Ensuite, on va parler de cross-country, parce que... Nos représentants masculins et féminins avaient une course dans cette chaleur effrayante. Accablante. C'est ridicule. En fait, c'était pas dimanche, là. Heureusement, la course était samedi. Parce que moi, tu sais, en personne intelligente que je suis, dimanche, j'ai décidé que j'allais faire de la randonnée. Ah ben oui! Ah ben oui! 11 km! Juste ça. Il y en a qui sont allés cueillir des pommes aussi dimanche. À 35 degrés Celsius. Tu sais, au parc de la Mauricie, il y a rien. Bonne idée. J'avais pas chaud. On était bien, allons. Il faisait pas humide. Non, pas du tout. Chance que j'avais une bouteille d'eau. Et un chamois. Ça aurait été utile. Mais d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais le marathon de Montréal, le 42 km, il a été annulé. Ah, à cause de la chaleur? Oui. Ouais. Mais le demi-marathon a quand même eu lieu. Oui, et justement, ils ont eu beaucoup de personnes qui se sont rendues aux premiers soins. Ben, c'est ouais, ça, parce 900 que là. Sans intervention. C'est quoi, tu. C'est immense. Ouais, bref. Ben, tomber dans les pommes facile avec ce genre de température. C'est les coups de chaleur, le risque de déshydratation, parce que des fois, le monde, ben, il performe, il court. Ou même moi en randonnée, tu sais, ils essayent de gérer leur eau pour pas avoir des points, des crampes qu'il arriverait au milieu de la course. Ouais. Et des fois, on gère un peu mal notre effort et on se retrouve en situation de déshydratation. C'est ça, l'intention est bonne, mais des fois... Ben, surtout quand il fait 35 dehors, au mois de septembre, voyons donc. Mais quand il fait 35, c'est important de rester hydraté, là, parce qu'on se déshydrate beaucoup plus vite là, quand on fait de l'effort physique. Ouais. Hydrate-toi plus que tu penses que tu as besoin. Ouais. Voilà. Ah, parce que quand tu commences à avoir soif, il est peut-être déjà trop tard. Voilà. Donc, nos hommes et nos femmes étaient... à Sherbrooke pour le cross-country de l'invitation vert et or. Du côté féminin, ça a été beaucoup mieux que la semaine dernière. On se souvient, la semaine dernière, c'était dans les 80e rang ouais. et plus. Bien, cette semaine, le meilleur résultat trifluvien, c'est Pénélope Goudreau qui a eu une 10e position, qui a fait le parcours de 6 km en 23 minutes 30 secondes. That's very good, bro. Je fais même pas ça. Je fais même pas 6 km en 30 minutes, je pense. Ouais. Fait que... ouais. C'est quand même assez impressionnant. Les vainqueurs à 21-49. La deuxième patriote est venue tout de suite après Pénélope. C'est Lisanne Guérin avec un temps de 23-50. Ensuite, on a Charlotte Bernier qui est 13e avec un temps de 24-06. Donc, les patriotes qui sont très, très regroupés dans les rangs 10 à 20. Et d'ailleurs, ça paraît au classement par équipe. Les patriotes qui terminent au 4e rang de la compétition par équipe avec des positions 10, 11, 13 et 22. On prend les 4 premiers. De chaque équipe mm-hmm. pour faire le classement. Alors, l'équipe gagnante au niveau universitaire, c'est l'Université Sherbrooke avec des positions 4, 5, 7 et 8. C'est eux qui organisaient ça, cette oui, c'était chez eux. Okay. Et ironiquement, l'Université Laval qui finit 1, 2 et 3, eh bien, la 12e position fait mal. Donc, 12 et 17 fait très très mal par rapport à Sherbrooke qui fait 4, 5, 6, 7. Ouais. La position 12 reçoit une petite jambette. Okay. Oups. Plante dans la boîte. Je suis sûr que c'est Sherbrooke qui a triché. C'est ça. Donc, les trifluviennes qui repartent de Sherbrooke avec une excellente 4e place. Surtout que la semaine passée, on n'avait pas assez de coureurs, coureuses pour faire une équipe complète et mm-hmm. être classée. Du côté masculin, c'est un petit peu plus dur. C'est le 6e rang sur 6 équipes pour l'équipe trifluvienne. Le meilleur résultat est venu, c'est une 19e position, c'est venu de la part de Nicolas Gilbert qui a fait un temps de 27 minutes 53 secondes. C'est un parcours de 8 km, donc c'est assez rapide, on va se le dire. Le vainqueur qui est Yves Sécu-Boisbeau de l'Université Laval. Mettons, oui, c'est ça. 25-51 le temps, là. C'est rapide. Donc, meilleur patriote, c'est Nicolas Gilbert avec 27-53. C'est 2 minutes un petit peu plus lent, mais un petit peu plus lent, ça reste quand même beaucoup plus rapide ouais. que ouais, c'est ça. Le commun des mortels. Et c'est le meilleur résultat des trifluviens. Le deuxième meilleur résultat vient de la part de Simon Boutier avec une 24e position, un temps de 28 minutes 15. Donc, c'est des temps très rapides. C'est assez impressionnant pour vrai. J'encourage le monde qui dise « Ah, il n'y a rien là, c'est facile. Allez le faire. » Ouais, ouais. Tu sais, du cross-country, hey. c'est pas un parcours sur une piste. Oui, il y a des obstacles. C'est ça, on s'en va dans le bois, puis on les fait courir dans le bois. Il y a des montées, il y a des descentes, donc c'est vraiment gérer l'effort aussi. Y a-tu des animaux morts? Non. Habituellement, on essaie d'éviter ça. Ah oui, on les enlève avant. On essaie de les enlever, Mathieu. Est-ce quelqu'un qui fait la trail pour la nettoyer avant? C'est ça? Ben, il y a quelqu'un qui la prépare, oui, en ouais, effet. Bon, okay. Souvent, ce genre de compétition-là ont lieu à des places assez, pas touristiques, mais tu sais, assez achalandées. Entretenues, donc. Oui. Mm-hmm. Comme la dernière compétition qui a eu lieu organisée par l'UQTR, ça avait lieu au golf de Grand-Mère. Mm-hmm. On s'entend-tu que si tu trouves des animaux morts sur le golf, il y a peut-être un problème. Ouais. Pose-toi des questions. Un petit peu, tu sais. Tu veux dire. Fait que. C'est souvent des pistes assez entretenues. Je sais que Vallée du Parc aussi a déjà reçu ce genre de compétition-là. Donc, on entretient quand même les pistes. On s'assure que il n'y a pas trop de branches non plus parce qu'il y a toujours des risques de blessures. Mais ça fait quand même partie de l'épreuve de devoir composer avec et les branches, et les roches, et les dénivellations qui sont différentes au cours de l'épreuve. Et c'est ça la difficulté, en fait. Ouais. C'est quand même intéressant comme épreuve, mais je le ferai pas personnellement. C'est peut-être un petit peu trop dur pour moi. Ouais. Cross country en français, ça s'appellerait quoi? Genre de la randonnée pédestre extrême? De la course. De la course. De en terrain libre. En terrain libre. Okay. Ouais, un peu comme, mettons, la natation. C'est... Ouais. Je sais pas. On utilise beaucoup le mot cross, tu sais. Cross country, parce que, tu sais, mettons, du basketball, des fois, on va dire du ballon panier, ça. Bon, mais là, c'est en français, là. Comment c'est qu'on a pas un équivalent en français pour cross country? Ben, je peux chercher ça, puis t'amener ça. Il y en a peut-être un, peut-être que les Français ont un nom vraiment, vraiment mauvais, comme toujours, genre. Drôle de course. Ouais, peut-être. Ouais. Mais je pense qu'ils diraient ça, ben là, on va faire du cross country. Country! Country! Country! Country! Donc, c'est ça pour nos coureurs. Ouais. Au niveau hockey, nos charmants messieurs étaient en Nouvelle-Écosse. C'est ça, Nouvelle-Écosse. C'est la dernière fin de semaine. On jouait à Glasgow, New Scotia. Hey, c'est fancy, ça. Hey, c'est loin. Mm-hmm. On jouait contre l'Université Saint-Réfix. OK. Et les Patriots, deux matchs pré-saison. Dans le premier match, les Patriots l'ont apporté 2-1. Une belle petite victoire. Mais n'ont pas su répéter le lendemain de défaite de 6-1 face à Saint-Réfix. Donc, c'est ce qui met fin au calendrier préparatoire de nos Patriots. Quand même respectable. On a fait des tests. On a une équipe assez jeune. Et le prochain match aura lieu à McGill, au McConnell Arena. C'est le 7 octobre prochain. Donc, c'est peut-être les derniers petits moments préparatoires pour les Patriots. Vas-y, Tania, t'as la même. J'ai trouvé d'où vient le mot cross-country. Il n'y a malheureusement pas d'équivalence en français. C'est le terme cross-country qu'on va utiliser même en France. Par contre, ça vient de l'anglais cross et country, qui veut dire à travers la campagne. Ah, campagne, c'est bon. Donc, ça pourrait être course à travers la campagne. Ouais. Intéressant. Ben, voilà. Mais c'est exactement ça. On traverse... un champ. Un champ. Eh ben. Ensuite, pour finir avec les Patriots de la semaine, cette semaine, d'abord, on a Pénélope Goudreau. Pénélope Goudreau, je viens de parler. Ben oui, elle a terminé au 10e rang, 23 minutes 30. Elle était nouvelle dans l'équipe, en fait. C'était sa première course avec l'équipe et déjà une très, très belle performance pour la jeune demoiselle, la jeune athlète. Donc, on lui souhaite que ça continue avec d'autres résultats. Il reste deux courses, si je me trompe pas à la saison. Je vais juste vérifier rapidement. Je l'ai devant moi. Oui, en fait, il reste plus que deux courses. Ah. Au moins, il en reste trois. En fait, il reste la prochaine course interconférence, l'invitation Rouge et Or, qui aura lieu samedi 7 octobre. Ensuite, c'est l'invitation Carlton le 14 octobre. Et par la suite, c'est le championnat provincial. Et pour ceux qui vont se qualifier, il y a les championnats canadiens le 11 novembre. Donc, Est-ce qu'il y a une invitation UQTR aussi là-dedans? Non, pas cette saison. Pas cette saison-ci. Et est-ce qu'on a un surnom autre que les Pats? Est-ce qu'on a genre vert, forêt, bizarre et orange que j'aime pas? Non, c'est les Patriotes. Ah, ça aurait été cool quand même. Toutes les équipes athlétiques de l'université s'appellent les Patriotes. Ouais. Mais sais-tu forêt, comment ils s'appelaient avant? Non. Avant de s'appeler les Patriotes? Je sais pas. Essaye-toi. Avant les Patriotes? Les verts et orange. Non. Les trifluviens. Ouais, les non. Les trifluviens de l'UQTR. Le noir et or. Noir et or. Ah ouais. Hey, ça fait luxueux, hein. Ah. Hein, pour vrai. Mais je comprends pas cette mode-là au Québec d'appeler notre équipe universitaire le quelque chose et or. Ouais. Rouge et or, vert et or. Ça fait gagnant, ça. Je sais pas. Mais moi, je préfère les appeler les pas très hot, mais quand ils sont hot. Les pas très hot. Quand ils sont hot, quand ils sont bons, je peux pas dire qu'ils sont pas très hot. Mais tu sais, les pas très hot. Garde-les pour les aigles, parce qu'eux autres sont pas hot partout. Ah! Ça serait un petit peu confus, par contre, d'appeler les aigles les pas très hot, puis les patriotes, je les appellerais comment, genre? En tout cas, bref. Les vraiment hot. Les noirs et orange et or. C'est quoi? Noir et or. Noir et or, mais avec changer de couleur, tu sais, l'université, au début, elle cherchait un peu sa personnalité. Faut c'est un croire. Peu raciste, c'est ça. Come on, Mathieu. Come on. Et du côté masculin... T'as bien regardé avec une désapprobation évidente. Moi aussi, je désapprouve ton commentaire. Donc, du côté masculin, le Patriot de la semaine est le joueur de soccer William Moss, qui a cumulé deux passes lors du match contre les Stingers de Concordia. Donc, a permis à son équipe de remporter le match et de rester au quatrième rang devant les Redmen de McGill. Mm-hmm. Donc, une belle performance de la part de nos Patriots cette fin de semaine. Quand même... Une victoire, une défaite, c'est respectable. Et deux nuls, c'est respectable. Là, c'est quasiment autant de points de part et autre. Ouais. Du côté de encore du hockey, on va parler rapidement des Cataractes de Shawinigan qui jouaient deux matchs cette fin de semaine. Et c'était quand même deux matchs contre deux des plus fortes équipes de la Ligue. Et les Cataractes se sont quand même bien défendus. On a été chercher un point. C'est ce dimanche contre les Tigres de Victoriaville. Les Tigres sont considérés comme probablement l'équipe à battre cette année. Donc on a porté le match en prolongation avant de s'incliner. Mais quand même un bon résultat de la part des Cataractes qui débute la saison avec un seul point sur une possibilité de 4, mais quand tu regardes qui on a affronté, bien, on peut comprendre peut-être un petit peu plus loin pourquoi on n'a pas fait beaucoup de points. On est présentement 5e sur 6 dans la division S. Mmh. Les tigres, les guépards, les léopards, mais tu sais, t'entends jamais genre les éléphants de quelque part, tu sais. Ça serait drôle. Les petits poissons. Les truites. Ben, les petits poissons, si tu regardes dans la NFL, il y a les dauphins. C'est vrai qu'il y a les dauphins, c'est ouais. Bon point quand même. Il y a les dauphins. Les marlins, c'est pas une sorte de poisson aussi, non? Les quoi? C'est pas marlins? Les... Il faut que ça sonne agressif. Ouais, c'est ça. Ce qu'on voit. Mais tu sais, en tant que tel, si tu. Les sharks, ben oui. C'est ça. Les sharks, mais tu sais, si tu traduis aussi, t'as à Los Angeles, t'as les chèvres. C'est ça, ouais. Les Rams hein, c'est ça. Ouais. Tu sais, ça fait pas de taille agressif. Ils sont pas encore commencés par Dodge, eux autres. Hein. T'as les corneilles. Ouais, c'est une corneille. Ravens, c'est une corneille. Ravens, ouais, il me semble, c'est comme une sorte de. Ouais, d'oiseau. Ou corbeau. Non, corbeau ça serait. Un autre mot. C'est mêlant, mais ça ressemble pas mal, ces deux-là. Mais tu sais, encore là, c'est un oiseau, tu sais. Ouais. Ça fait peur, un oiseau. Oui. Les Orioles de Baltimore. Les Orioles, c'est quoi les Orioles? Les Jets Bleus de Toronto. Ah, oh. Ah oui, c'est vrai. Hey, c'est pas beau longtemps, ça. Et les Bas Noirs de Chicago, bien les Bas Rouges. Quand tu nommes ton équipe en honneur de ton lavage, c'est comme où est-ce que t'as pris ton inspiration dans ton panier? Ben, c'est comme. T'aurais dû prendre du bounce pour. C'est quoi la toune? Mais il doit avoir une explication. À Cincinnati, c'est les rouges de Cincinnati. Ça, c'est original, c'est une couleur. Hein? Ben, en fait, primaire. Avant, c'était aussi les bas rouges, les Red Stockings, mais c'est devenu juste les Stockings, Reds. Stockings, c'est comme des bas collants? Stockings, c'était pour des bas, là. C'était quand c'est du vieux anglais. Là. Mais il y a personne qui s'appelle les Bobettes de quelque chose? Non, quand c'est même. C'est bien en mode, le Capitaine Bobette, en ce moment. C'est vrai. Ça a duré quoi, 2 semaines au cinéma, gros max? Ouais. Mais les enfants, ça? Peut-être, j'ai pas vu le film. Pourtant, j'ai lu toutes les BD. Ah, pour vrai? Quand j'étais jeune, Captain Bobette, pour vrai? Ouais, j'ai lu Captain Bobette quand j'étais jeune. Wow, il dit ça en nom tout. Ben oui. S'assume. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi les Red Sox s'appellent les Red Sox? Vas-y. OK, bon, mais quand ils ont commencé en 1907, bien, c'est parce que tous les joueurs de l'équipe portaient des très hauts bas rouges. Ce qui explique le choix du nom. Bon, mais là, on sait pas pourquoi ils portaient des bas rouges, par contre. Faudrait creuser plus longtemps encore. Mais tu sais, si tu veux vraiment des noms bizarres dans le sport... Fais juste aller regarder au niveau du sport collégial américain dans la NCAA. Tu vas trouver des noms qui se prononcent peut-être pas en onde. Ah oui? Ouais, des probablement. Des noms vulgaires. Genre, c'est l'équipe de la Caroline du Sud, South Carolina. Ça s'appelle les Gamecocks. Oh boy. C'est pas pire. Parce que ça date de loin. Là. Ça date du temps où, on l'a très longtemps, un journaliste avait trouvé qu'il avait joué comme des merdes, mm-hmm. et avait dit ils ont joué comme des Gamecocks, et le nom est resté. Tu sais, quand tu gardes un terme péjoratif pour ton nom d'équipe... Ouais, c'est pas winner! Ça fait dans ta face, journaliste du journal. Peut-être, hein? Ouais. Bon, il y a peut-être pas d'équipe de football universitaire à l'UQTR, même si j'aimerais ça. Mm-hmm. Un jour. Il y en a pas. Peut-être un jour, ça parlait, ça tombait un petit peu. Mais il y a quand même du football universitaire... Ailleurs, au Québec. Il y avait 2 matchs en fin de semaine. D'abord, Montréal était au stade Percival Molson, parce qu'il n'y a pas juste les Alouettes qui perdent au stade Percival Molson. Il y a les Redmen aussi. D'ailleurs, les Redmen ont perdu 16-3 contre Montréal. Et dimanche, le Rouge et Or crevait de chaud face aux Stingers de Concordia. Tu sais, c'est pas de se faire piquer par les piqueurs. Ben ouais. Oui, c'est ça. Et c'est l'Université Laval qui l'a emporté 12-8 au stade TELUS de l'Université Laval. Hmm. Donc, Montréal qui est toujours au premier rang de la conférence du Québec avec 4 victoires, aucune défaite. Suivent dans l'ordre Laval avec 3 victoires, une défaite. Concordia, 3e, McGill, 4e, Sherbrooke, 5e et pour toujours des perdants à Béchef qui ont décidé de partir dans les provinces atlantiques. Et que t'es négatif avec eux autres. Non, je veux dire, t'es tanné de perdre, fait que tu t'en vas ailleurs. Ouais. Tu vas perdre ailleurs. Ouais. Les petits bishops. Tu sais, mais ça, on apprend aux jeunes, ben, pour gagner, faut que tu apprennes à perdre et après ça, tu t'améliores. Bishop a fait comme non. C'est juste la première étape, apprendre à perdre. C'est ça. Ouais, ben, ouais. Tu sais, je peux les comprendre en même temps, là, quand tu joues année après année après année parce que la conférence du Québec est une des plus fortes au pays. C'est peut-être plate un peu de savoir à chaque début de saison que tu n'as aucune chance de gagner. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas juste peut-être 1%, là, c'est t'as 0% et même. Dans le négatif. Mais amuse-toi. Oui, amuse-toi. Mm-hmm. Have fun, qui dit, hein? C'est ça. Bon, moi, ça fait pas mal de tours. Hey, du sport, on en a vécu. Du sport? Ouais, on en a entendu parler. T'as su un petit peu? Ouais, c'est ça. Il fait combien dans le studio? Pas si chaud. 24. Ça. Ben, c'est pas si pire, 24. Pas comme la chasse hier soir pendant l'impro. Non, hey, Colin, veux-tu qu'on en parle? J'avais deux chandails, un par-dessus l'autre ce soir-là. Pour vrai, je m'étais dit, si j'avais pas de temps de me changer avant le, j'ai fini de monter le zone campus hein, à 19h57, genre. Oh. Donc, j'ai mis mon chandail d'impro par-dessus pour aller faire le match à 20h et j'ai sué tout le long, c'était magnifique. Ah, il faisait chaud, mais même j'ai été une bonne partie de l'après-midi à la chasse-galerie, il faisait chaud. Insupportable. Et là, pendant le match, on était quoi, une centaine au moins dans wow, la chasse-galerie? Oui, facilement. Et il y a même un sketch à un moment donné, c'est une conférence de presse, je crois, où quelqu'un a demandé, ça va être quand l'air climatisé à la chasse-galerie, on applaudit dans la foule. C'était bien mérité. Bravo. Malheureusement, il n'a pas gagné l'impôt pour ça. Non. Juste pour ça, il l'a mérité. Tu te rappelles plus du match d'impôt que moi? Ça n'a pas d'allure. Ben toi, tes commentaires, on les oublie assez vite pendant l'impôt. Merci. Merci beaucoup, Marc-Olivier Dumas. Ça fait plaisir. On te retrouve à Patriote en action. Patriotes in action. Les jeux du si. Matin. C'est à 11h. C'est. Tu fais le tour des sports du Mexique. C'est ça. Cette semaine spéciale mexicain. Ça va être malade. Comment ils font pour jouer dans des températures aussi élevées? Avec des sombreros à la place des casquettes. Ouais, mais tu sais, eux autres, à 1h, le 13h, ils ont la siesta. Préjugé. Préjugé. Quand le match arrive à 1h, ils arrêtent pendant 2h pour faire la siesta. C'est normal. Ouais. C'est mexicain. C'est ça. C'est pour ça que les matchs commencent à 3h d'habitude. T'sais, la siesta est passée puis ils sont corrects. Ouais. Ils prennent leur bière avec un petit peu de salsa à côté. Ah, hein? Là, c'est toi qui es dans c'est le préjugé. Plein de préjugés. Ouais, c'est ça. Plein de préjugés. Donc merci, Patrick dans l'action, jeudi 11h, on parle toujours de sport en général, on a des invités, des portraits de gens, des trucs comme ça. Oui, on parle beaucoup de sport en général, des sujets qui ont marqué la dernière semaine, le sport universitaire aussi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, on va en faire aussi un petit peu, on va essayer de recevoir certains joueurs des Patriotes au courant de la saison, certains entraîneurs. J'ai déjà reçu Marc-Étienne Hubert. On va essayer d'aller voir peut-être l'entraîneur de golf, de cross-country, de soccer, même de volleyball. Tu sais, avoir du contenu pour vous pour rendre ça un petit peu plus intéressant. Savoir c'est quoi, comment les coachs voient ça parce qu'on le sait que l'UQTR n'a pas le plus gros bassin de joueurs disponible, mais comment les coachs voient cette possibilité-là. Et on va peut-être essayer d'avoir de quoi sur le football universitaire, le projet. Ouais. On sait que c'est au point mort présentement. Est-ce que c'est réellement au point mort ou il y en a encore qui travaillent derrière et attendent juste que le moment soit plus opportun? Ben, ça reste à voir avec ça. Puis ça serait intéressant de parler avec ceux qui mènent le projet pour avoir du football universitaire ici. Absolument. C'est cool que ça existe, Patriote en action. Ouais. Donc, les jeudis à 11h. Andréanne Cartier est avec nous pour parler de roller derby. C'est la deuxième fois qu'elle vient à l'émission, troisième peut-être même. Oui, je pense que c'est la troisième. On est habitués. Ouais, j'aime ça venir ici. Elle aime ça, puis on aime ça la voir. Elle est habituée d'être à d'autres stations, des fois, pour faire la promotion sur roller derby. Ici, elle est comme sûrement impressionnée par le fait qu'on n'a absolument rien préparé ce segment-là. La France, ça va être le fun, on improvise. On n'a pas de pré-entrevue ici, hein, Andréanne? Non. Bref, on parle de roller derby 3R, et apparemment, j'entends dire que vous cherchez des personnes badass. Oui, absolument. En fait, on cherche à produire une équipe gars puis une équipe de filles. En ce moment, on est une douzaine, mais on aimerait savoir 20 de chaque côté. Donc... séparé par genre, là, comme dans le bon vieux temps. Mais en fait, non, au niveau de la ligue, au niveau de l'équipe de gars, ça va être mix au début. Ah! Parce que quand on joue en filles, on joue sans filles, mais les gars acceptent la présence des filles. Ben, il faut, j'espère, bien de nos jours. Hein. Mais ouais, c'est ça. En fait, en ce moment, c'est le fun parce qu'on recrute, puis on va sur les pistes cyclables, puis on est plus visible. Mais c'est vraiment drôle à quel point on réalise que les gens connaissent pas le sport. Genre. Mais comment c'est qu'ils connaissent pas ça? Il me semble qu'on devrait connaître ça. On en voit des fois dans les films du roller derby. Ouais, mais dans les films. Ça donne pas envie d'en faire, ça. Aux États. Tu cherches du roller derby. Tu penses pas qu'il va y avoir ça à Trois-Rivières. Mais il y en a. Mais il y en a. Exactement. Et depuis quand même assez longtemps, on a parlé il y a quand même. Ça va faire 3-4 ans que la ligue est implantée à Trois-Rivières, mais on n'a jamais eu d'équipe complète, en fait. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas d'équipe complète? On pratique. C'est un sport qui est très demandant, qui est très tactique. C'est un peu comme le football, tu sais, vous pratiquez des jeux. Ben, nous, on pratique des jeux. À un moment donné, quand on va sortir comme équipe, ça va être drôle parce qu'on va avoir vraiment comme un calibre assez élevé quand on va pratiquer beaucoup. C'est ça. Et vous allez pratiquer avec des gars aussi? Oui, on pratique déjà avec des gars. Les plaquer, ça rend plus fort. En ce moment, on a 3 gars dans notre équipe. Fait que... Est-ce que c'est violent? Est-ce qu'il y a beaucoup de blessures? Il n'y a pas beaucoup de blessures, mais en fait, c'est sûr, c'est un sport de contact. Mais souvent, quand on regarde des reportages ou quoi que ce soit, les gens qui se blessent, c'est souvent en pratique parce qu'ils sont comme moins alertes, ils sont plus en train de jouer puis avoir du fun. En game, moi, ça m'est jamais arrivé de voir quelqu'un se blesser. Mais c'est sûr, c'est un sport de contact. Ça se peut que quelqu'un. Genre, vole à terre, puis ils se fassent un petit peu plus mal, puis ils reviennent pas à la demi. Mais c'est un sport, donc il y a des règles. Exactement. Comment ça fonctionne une partie de roller derby? Une partie de roller derby, c'est les deux équipes en spontané. Il va y avoir 5 joueurs dans chaque équipe. Nous, on n'a pas de ballon. On a une jammeuse qui est identifiée, qui nettoie son casque. Une jammeuse? Une jammeuse, oui. Moi, je fais la jam, elle amène sa guite.

The Bag par NoFX à Assemblage Rocky. Suggestion d'Andréane Cartier, bien sûr, notre fan de roller derby. Et on vous rappelle que la soirée a lieu le vendredi 29 septembre à la boutique Pure Vintage sur Notre-Dame Centre, Trois-Rivières. C'est pour les 18+. Tu manges mon cœur. Mon cœur, la chronique des coups de cœur des co-animateurs d'Assemblage Requis. Deuxième fois cette semaine où on a des choses à vous partager. On a accumulé pas mal d'affaires. Oui. Qu'on aime. C'est vrai. Des choses intéressantes. Je commence encore aujourd'hui, si tu me le permets, Seigneur. Vas-y, vas-y. Hier, ou en tout cas la dernière fois qu'on a fait ce grand claim, c'était hier. J'ai parlé de publicité à la télé. C'était pour une émission quelconque sur Discovery, des émissions de télé-réalité poche, qui avait une bonne petite chanson derrière. Même chose pour l'émission La Disparition qui joue à super écran. OK. Il y a une version. En fait, c'est une émission canadienne. La version en anglais joue à CTV. Et The Disappearance a une bonne chanson en arrière aussi. OK. Et quand même, je l'ai cherché, je l'ai chazamé. Je l'ai écouté. J'aime ça. Le bout que j'aime est pas super fréquent dans la chanson, mais quand même. Donc, on va l'écouter. C'est par Ruel. Ruel? La fille Ruel. On aime ça? C'est pas Francine Ruel. Non. Ah, OK. Malheureusement. Donc, c'est la pièce Game of Survival, tout de suite. Tu manges mon cœur. C'est mystérieux, là. Ça s'appelle c'est la très disparition. Mystérieux, hein? Oui. Déjà en partant. Et Game of Survival. Comme je l'ai dit, c'était dans une publicité pour La Disparition, l'émission de super écran en anglais de Disappearance. Ça fonctionne super bien. Et comme je disais, pour vrai, Bell Media, je suis désolé de parler en bien d'eux. Hein. Ouais. Mais ils ont une très bonne équipe. Ah ouais, c'est vrai. Pour choisir les chansons. Mais Mathieu, oui. Cette chanson-là, je l'ai déjà entendue dans une émission américaine. Okay. Je suis persuadée Mais c'est excellent, là. J'adore ça. Peut-être Shadowhunter. Ça fit très dans une émission comme celle-là. Je pense que c'est dans ça. Ça se peut très bien. Mais en tout cas, bref, félicitations pour la décision d'avoir mis cette chanson-là dans la publicité. Ça, c'était mon coup de cœur numéro 1 pour aujourd'hui. On continue avec toi. Oui, certainement. En fait, mon premier coup de cœur, moi, ça se passe plutôt du côté de la télévision. C'est en fait une émission sur laquelle je vous ai déjà fait la présentation, mais c'est un petit peu le retour de cette émission dont je veux vous parler. En fait, c'est la série documentaire de Garde 24/7 qui se déroule du côté de Télé-Québec. Et c'est un petit peu aussi toute la nouvelle, entre guillemets, programmation de Télé-Québec. C'est un petit peu mon coup de cœur ces temps-ci, les émissions qu'on offre du côté de Télé-Québec. On dirait qu'on a revisité ce qu'on voulait voir sur ces ondes-là. On dirait qu'on a revisité aussi ce que les gens voulaient voir sur ces ondes-là. Et je pense que la diversité fait en sorte que je trippe vraiment beaucoup présentement à écouter les émissions qui se retrouvent sur le site de Télé-Québec. Parce que sachez-le, c'est possible d'aller voir quasiment la totalité des émissions qui se trouvent sur la chaîne de Télé-Québec sur Internet. Ils font ça pour que t'écoutes la TV. Oui, mais j'ai pas la télévision, j'ai pas le câble, donc c'est un petit peu ma porte de sortie, je vous dirais, justement, pour pouvoir aller écouter la télévision un petit peu, c'est Internet. Alors, de pouvoir voir toutes les gammes d'émissions et de documentaires qu'ils nous proposent du côté de Télé-Québec sur Internet directement. Mais moi, c'est mon coup de cœur cette semaine, je dois le dire, et surtout 24/7, parce qu'on les a connus maintenant depuis déjà 2 saisons. La troisième vient tout juste de commencer et on n'arrête jamais. Ça se passe tout le temps. En pleine adrénaline. On voit un petit peu le quotidien des gens qui sont en médecine dans de grands hôpitaux de la ville de Montréal. C'est découpé vraiment selon des sections, donc chaque émission traite de quelque chose en particulier. Mais si jamais vous avez jamais vu cette émission-là, ce documentaire-là, qui est quasiment de style télé-réalité, mais pas trop vraiment documentaire, là, allez faire un tour sur soit le site Internet ou la chaîne de Télé-Québec. Assoyez-vous devant cette émission-là. Ça vaut la peine et vous allez, je vous le garantis, vous allez en gober 2-3 épisodes, une à la suite de l'autre. Cool! De Garde 24/7. Le site pour ceux qui s'intéressent, degarde247.télé-québec.tv. Exactement. Simple comme ça. Talia, si je te dis, mettons, qu'on prenait une pause, mettons, commerciale et que je te faisais jouer quelque chose comme ça, mettons. Hein? Le canton des clients venu de loin, mais il voit juste sa chemise froissée. Est-ce que tu l'aimes, celle-là? Écoute, c'est le remake d'une chanson, ça. Oui, j'adore cette chanson-là. J'adore le concept du clip. Ouais. Est-ce que tu l'as entendu en anglais? Parce que moi, pour vrai, je l'ai entendu en anglais. Au début, je me suis dit, bon, ils vont la gâcher en français. Ils l'ont pas gâché en français. C'est pas pire, non, en effet. Ils l'ont réussi. Je t'ai fait entendre celle en anglais pour une référence. Harry's meeting clients from far away, but they only see his wrinkles. He's gotta play it cool to seal the deal. Better find a way to smooth things over. If only Harry used some bounce to dry. Yeah, he would be less wrinkly and winning at life. Tu vois, donc la version française. Et pas mal exactement, oui, la même chose. Ils ont trouvé quelqu'un qui avait la même sonorité de voix. Et tu l'as dit, Colin, je pensais pas que tu le savais. Je le savais pas. C'est en effet une chanson qui existait déjà. C'est peut-être un classique. Moi, je savais pas ça. Je sais pas comment ça, je connais ça. je connais pas mes classiques, je l'assume. Là. J'ai aucune idée de la musique de ces années-là. Là. C'est pas mon genre du tout. Ouais. Mais en même temps, ça devrait peut-être l'être, mon genre, parce que je trouve ça vraiment bon. Écoute, peut-être. On écoute The Outfield avec Your Love à Assemblage Requis sur ce. Thank you. Bounce a eu l'idée de prendre cette chanson-là. Ça n'a rien à voir avec les vêtements, à part parce qu'il dit le mot shrink. Mais oui, c'est ça. À quelque part, c'est la seule référence. Mais quelqu'un a eu une idée de génie à quelque part là-dedans pour la publicité de Bounce. Et je suis extrêmement jaloux de ne pas y avoir pensé avant. Idée de génie, je l'ai dit. C'est comme ça. Donc, Bounce, à l'origine, qui m'a fait penser à The Outfield avec Your Love. Donc, la pièce qui a inspiré cette fameuse publicité. Ça, c'était un autre de mes coups de cœur à moi. Et maintenant, de retour à toi, Tania. Eh bien, oui, en fait, moi, la prochaine chose que je veux vous présenter, c'est une playlist Spotify. Parce que je me suis rendu compte hier que j'avais quand même un petit peu de difficulté avec le fait de me concentrer, tout dépendant de mon humeur, si j'y allais avec de la musique vraiment beaucoup trop calme. Oui, je comprends. Des fois, ça fait en sorte que je deviens encore plus fatiguée que ce que je devrais être. Alors, hier, j'avais un petit peu besoin d'un boost sans nécessairement devoir boire un café à 9h30. Donc, je suis allée sur Spotify. Je pense que c'est une des places premières où tout le monde va si on a besoin d'une playlist. Et je me suis tapée, commencé à chercher de la musique pour étudier. Vraiment, ça a été mon... Music, exactement, chose. Study Music. Et je suis tombée sur la playlist Deep House Relax. Vous allez voir, vous donner un petit peu votre propre opinion de ce que vous pensez. Ça se peut que certaines personnes trouvent ça trop agressant pour pouvoir étudier, mais c'est vraiment l'idée dans laquelle je voulais étudier, c'est de ne pas trop être trop fatiguée. J'avais déjà une bonne journée dans le corps et j'avais essayé avant ça d'y aller avec vraiment plus doux que ça. Là. Chill, quasiment classique. Alors, j'avais de la difficulté à rester concentrée parce que ça m'endormait. Et avec le Deep House Relax, j'ai été capable de continuer encore pendant 2h30 de temps. Ouais. Alors, ça m'a comme donné un petit boost d'adrénaline sans nécessairement devoir prendre un café et pas dormir la nuit. Comme tout le monde, j'imagine, pas de paroles sur ta musique. C'était tes critères pour de la musique pour étudier? Ça dépend. Vous allez voir, on entend parfois des paroles, mais elles sont pas très, très fortes. Celle que je vais vous faire écouter a des paroles, mais dans la playlist, il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Donc, ça va dépendre de votre degré aussi concentration si jamais vous entendez de la musique en anglais ou en français, peu importe. Et j'ai décidé de vous offrir ce matin une des pièces qui se retrouve dans la playlist de Spotify. Donc ça va être Cascade avec Lax to JFK. On écoute ça tout de suite dans Assemblage requis et ça va être bon pour étudier pour les prochaines minutes. Oui, si vous aimez ça. Oui, c'est ça. Non, hein? Lax to JFK. The Cascade. C'est une pièce qui se retrouvait, en fait, dans la playlist Spotify qui m'a gardé éveillé. Ta musique d'étude. Pour étudier hier soir. Bonne fille. Exactement. Tu travailles fort. J'essaie. T'as préparé ta chronique aussi, en plus, hier. Fait que t'as travaillé fort. Ouais, exactement. Voilà donc nos coups de cœur de cette semaine. En fait, on avait plusieurs chacun. Moi, j'ai fait entendre Game of Survival par Ruel, ainsi que The Outfield avec Your Love. Et toi, tu nous as parlé de The Guard 24-7 et tu nous as fait entendre Cascade. Mm-hmm. Voilà, les liens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission 11:30. Vous écoutez Assemblage Requis, édition week-end. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Écoutez Assemblage Requis, édition week-end. Avec Tania Baudin et Mathieu Plante. C'est Alicia Lemieux qu'on reçoit pour la première fois aujourd'hui. Salut Alicia. Hey, bonjour Mathieu, bonjour Tania. Bon matin. On était persuadés qu'elle était déjà passée par nos studios cette émission-ci, mais non, apparemment qu'on connaît trop de monde et qu'on pense qu'on les a vus en ondes, on les a vus ailleurs. C'est une ancienne zone campus en fait. C'est pour ça qu'on le connaît? Tout à fait, tout à fait. Alors oui, j'ai passé par le zone campus, puis là, ben, je suis rendue assez fou. Hein, parce que c'est correct. C'est ça, on passe à autre chose après. C'est le fun, prends ta place. T'étais aux arts et spectacles, aux zones campus, et maintenant t'as changé complètement de branche pour cette émission-ci. Tu vas nous parler d'environnement, de tout ce qui est développement durable, de choses biologiques, écologiques, peu importe. Et j'entends dire que tu vas un petit peu surfer sur la chronique que Tania a fait hier sur les déchets. Tout à fait. Alors oui, ça se peut que mes chroniques varient un peu par contre, parce que j'avoue que j'ai encore un peu la fibre art spectacle, ouais. Ça se peut que ça revienne par moment. On aime ça, c'est correct. La diversité. Exactement. Mais oui, c'est vrai, ce matin, donc je vais parler davantage d'environnement. Entre autres, c'est ça, je veux faire du pouce sur la chronique de Tania d'hier, donc qui parlait de la semaine québécoise de réduction des déchets. Alors, je vais un petit peu dans la même veine. Donc, je pense que tout le monde, en effet, connaît, là, dans la dernière année ou les dernières années, a passé là, le slogan « zéro déchet » ou « zero waste » qui a passé dans pas mal toutes les plateformes. Alors, plusieurs organisations qui se sont créées autour de ça. Bon, cette démarche-là vise principalement à éliminer toutes formes de déchets qu'on peut produire, nous, comme humains. Encore plus loin, là, on essaie de viser là, les entreprises à justement minimiser leur impact, donc en créant des produits avec le moins d'emballage possible. Donc, tout ça pour dire que, personnellement, j'ai pas réussi encore à atteindre le mode zéro déchet. Zéro, c'est beaucoup demandé. Ouais, zéro, c'est faut relativiser un peu. Exactement. On a vraiment des belles initiatives là, qui sont mises un petit peu partout sur le web. C'est vraiment inspirant. Mais je pense que j'ai voulu ressortir quelques trucs qu'on peut faire ici même à Trois-Rivières qui sont accessibles puis qu'on peut au quotidien changer. Ah, cool. C'est ça qui est bizarre parce que tu, même si tu veux vraiment être zéro déchet puis que tu as toutes les meilleures intentions du monde, les meilleurs conseils te sont donnés de ne pas acheter des choses inutiles, blablabla. Là, tu arrives et tu reçois une enveuple dans ton courrier. Je ne sais pas si vous avez reçu cette enveloppe-là. De cancer, Québec-Canada, quelque chose comme ça. Tu ouvres l'enveloppe, c'est marqué de l'ouvrir. Et genre, s'il vous plaît, ouvrez-la. Tu l'ouvres, là, c'est rigide. Là. Tu regardes, il y a une énorme calculatrice cheapo. Okay? Ben voyons-là. Un stylo avec lequel tu es supposé genre, écrire, j'imagine, le montant que tu veux donner sur un chèque. Ouais. La calculatrice, j'imagine, pour calculer ton retour d'impôt, si tu donnes un don à cancer, quelque chose. Puis tu as un petit pad de feuilles, genre de notes pour, quand quelqu'un, je sais pas, te laisse un message, quelque chose comme ça. T'as pas choisi d'avoir ça. Mais non. Comment est-ce que tu veux être zéro déchet quand on t'envoie des niaiseries de même que t'as pas besoin? Mm-hmm. Qui a besoin d'une calculatrice? Non. Cheapo de même. Personne, je pense qu'on est rendu sur nos cellulaires. Ouais, mais oui, tout ça pour dire que c'est vrai, en effet, que le zéro déchet, zéro zéro, là, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire encore. C'est du topie, pas faut même. Que tu vives dans ta van pour pouvoir faire ça. C'est ça. T'as pas d'adresse fixe. Non, exact. Et tu commandes jamais à manger. Je pense que ça irait mieux. C'est ça. Mais tu sais, en adoptant déjà quelques trucs, ben déjà là, c'est ça de moins qu'on produit. Puis bon, au bout du compte, ça va pas à l'enfouissement. Alors, on commence entre autres par quand on va à l'épicerie, qu'on choisit nos fruits et légumes, pourquoi pas ne pas les mettre dans des petits sacs transparents. Ça sert à quoi? C'est ça, exactement. Tu laver pareil. Mm-hmm. Tu les mets tout simplement dans ton panier, puis ce sera à la caissière de les prendre, puis de les peser après individuellement. Ouais. Mais bon, rendu là. Hein? C'est un petit défi de plus, hein? C'est ça. Ça met du piquant dans sa journée, hein? Non, non. Entre autres, peut-être pas t'aimer, ouais. Oui, entre autres aussi, on a le Bulk Barn ici qui récemment au printemps a décidé d'ouvrir au niveau des plats. Donc, tu peux apporter tes plats réutilisables puis remplir tes propres plats. Avant, on pouvait pas le faire. C'était vraiment décevant. Des sacs. Là, exactement. Puis il y a des pétitions qui se sont signées. C'est super simple. Je veux dire, tu pèses ton bol à l'arrivée et tu le pèses à la fin. Mais il me semble que c'est pas compliqué. Anecdote. Oui. On aime ça remplir de parenthèses qui servent pas à grand chose. À la cafétéria. Ouais. Hier, on est allé chercher un yogourt. Je sais sur quoi tu t'en vas. Sérieusement, j'arrive, je prends un bol à soupe de porcelaine. C'est un beau petit bol de porcelaine, comme ta toilette, mais c'est un bol. Fait que là, tu mets ton yogourt dedans et tes fruits. Quelle comparaison, Mathieu. C'était quoi un bol de porcelaine? Tu mets tes fruits dedans, tu mets toutes tes affaires. Et là, à un moment donné, la madame de la cafétéria arrive à Tania et lui demande, c'était qui ce bol-là? C'est Mathieu? Madame, tu peux pas prendre ça. Hein? Moi, ça, tu peux pas prendre ça. Faut que tu prennes un bol pour emporter en carton parce qu'il est pas pesé dans la machine, le bol de porcelaine. J'ai dit, vraiment? Vraiment, là. Mm-hmm. Il a fallu que je le mette dans une assiette de plastique comme une pizza. Mon yogourt. Le matin. Je trouvais ça incroyable, incompréhensible qu'il n'ait pas pesé. Il faut dire aussi que le petit bol en carton qui te demandait de prendre un frais. Ils veulent faire ton petit 35-50 de plus par contenant, mais sérieusement, j'étais outré. Je pense que j'étais outré. Mm-hmm. Hein? Oui, t'étais outré. C'est ça. Ouais. Tout à fait. Mais en fait, oui, puis tu sais, c'est à force de faire des pressions comme ça, puis en engageant des demandes, puis en demandant, tu sais. Si la population universitaire se rassemble et décide de faire quelque chose contre... Tu marques ça sur le petit papier de commentaire. What the fuck, les balles de porcelaine. Exact. Quel commentaire. Ils vont comprendre. Oui. Alors, dans ce cas-là, des fois, c'est peut-être bien d'essayer de prendre une assiette. Sachez-le. C'est ça, tu prends ton assiette, tu la remplis. Au pire, j'imagine que tu peux te promener avec puis tu vas la reporter après. Donc, t'es sûr de ne pas utiliser le petit truc en carton qui prend beaucoup de place dans les poubelles pour absolument rien. C'est ridicule, c'était pour manger sur place de prendre un contenant en carton. Tu sais, même affaire pour les verres, il y a plusieurs formats de verres, mais il y en a juste un en plastique, si je me rappelle bien, le reste en carton. Je disais, pourquoi est-ce qu'il y a autant de verres en carton? Les gens prennent leur ustensile en plastique à cafétéria pour manger sur place. Je veux dire, pour vrai, les gens, il y a aucune conscientisation, on dirait, de ces affaires-là, puis ça, mm-hmm. ça me dérange. Ouais. Bon, hein? Je sais pas si l'association Bac Vert est encore active. Je sais pas. S'ils sont actifs, il y a des affaires qui laissent passer, hein? Ouais. Comme les télés allumées 24 heures sur 24 dans l'université. Tout le temps. Tout comme l'été, l'hiver. Pas avoir tant de récupération. Non, aucune récupération. Le bac de récupération le plus près, t'as comme deux coins de rue à QTR, là, ouais. Dans le pavillon. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Il n'y a même plus de place pour recycler tes canettes. À la chasse-galerie, si tu veux recycler ta canette, qu'est-ce que tu fais? T'as un sac aux poubelles. Mm-hmm. Ou tu cours et tu t'en vas dehors, genre la mettre dehors dans le truc. On va soutrer beaucoup ça dans cette question. Oui, je pense que oui. Mm-hmm. Mais vas-y, continue, Alicia. Oui, non, mais c'est ça. Mais c'est de très bons points. En fait, c'est pour en venir à tout ça. Donc, pour que les étudiants se conscientisent, puis qui ensemble décident de mettre des mesures. Je pense que l'Assemblée générale, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ouais. Ah, mais je vous invite à faire des propositions à votre AGE qui est là pour vous représenter. Oui, tout à fait. Ouais, bon point. Alors, juste d'autres petits trucs comme ça aussi. Remplez vos bouteilles de savon à linge. Alors, mm-hmm. on a à l'Auberge Jeunesse de Trois-Rivières qui ont des produits comme ça, donc tu peux aller remplir ta bouteille. Il y a aussi la Petite Meunière au Cap de la Madeleine qui a ce service-là. Je savais pas. Alors, ouais, c'est deux endroits là, qui est possible d'aller remplir le savon à linge. Ben, en fait, c'est ça, les gobelets en carton. Hein, on dit que, en fait, il y a 25 millions de gobelets en carton qui sont jetés par les Nord-Américains. Donc, juste en Amérique du Nord, imagine, ouais, sur la planète. Fou, dans par année, donc c'est quand même assez impressionnant. Aussi, ben là, c'est ça, j'avais parlé d'avoir ton lunch, donc prendre ton assiette que tu peux mm-hmm. rapporter à la chasse-galerie après, mm-hmm. donc ça minimise les emballages en carton. Tenter de cuisiner aussi au maximum. Des fois, on pense pas, on dit, oh, je vais acheter direct, mais tu sais, de le faire, ça prend pas nécessairement plus de temps, puis ça minimise. Ouais. Puis, plein d'autres idées comme ça. Les bouteilles d'eau, évidemment. Là, ouais, ça, oui, je pense que les bouteilles d'eau, là, c'est rendu... le point numéro 1. Mm-hmm. Ça n'a aucun sens. Mais c'est où? Je pense que c'est au Cégep de Trois-Rivières maintenant qui ont aboli le fait que tu n'as pas le droit d'amener une bouteille de plastique. Tant mieux, mais ici, à l'UQTR, ils l'ont essayé de ne pas vendre de bouteilles d'eau, puis les gens se sont rebellés, puis ils ont ramené. T'sais. Donc tu peux pas... On dirait que tu veux conscientiser les gens, puis ils font comme un woman. Ouais. Tu me diras pas quoi faire, j'ai droit à ma bouteille de plastique si jamais je m'évanouis. Hein? Ben oui. Ouais. Jette-toi en une, remplis-la. C'est ça. Ils pourraient fournir les gourdes de la GE quand quelqu'un s'évanouit. Hein? Ben, ils font ça maintenant, je pense, à la journée des nouveaux étudiants. Bon. Ils donnent les gourdes. Good. Gourdes, excuse-moi. That's very good. That's very good. Oui, fait que c'est ça, c'est plein de bons trucs comme ça. Fait que le but, c'est juste de, si on est capable de prendre ces habitudes-là une à une, ben ça fait déjà ça. Puis oui, c'est un mouvement qu'on doit prendre tout le monde ensemble. Ouais. On s'entend que c'est comme ça que ça va changer les choses. Une chose à la fois. Et tout ça pour en venir, entre autres, au Festival Zéro Déchet qui s'en vient à Montréal, donc qui va avoir lieu le 14 et 15 octobre prochain. Alors, c'est la première fois que ça arrive ici. En fait, ça vient d'initiative de l'association Zéro Déchet qui a été créée, je pense, au printemps. Là. Donc, c'est quand même tout nouveau ici au Québec. Puis, le festival là, rassemble plus de environ 20 ateliers, 20 conférences, puis une cinquantaine d'exposants. Alors c'est vraiment très intéressant là, pour avoir des trucs, conseils, tout ça. Autant dans, ils parlent de plein de trucs, la cuisine zéro déchet, les familles aussi zéro déchet, les événements, comment qu'on peut rendre des événements zéro déchet aussi. Donc plein d'enjeux comme ça. Puis il y a aussi plein d'exposants justement sur des produits d'hygiène, au niveau de la mode éthique, l'alimentation, tout ça. Donc vraiment plein de belles initiatives comme ça. Donc si jamais ça vous intéresse d'aller à Montréal pour aller vous visiter ça, ben on pourrait ramener quelques idées ici, hein, puis en implanter à Trois-Rivières. Je pense qu'il y a encore de la place. C'est un festival. Est-ce qu'il y a de la musique? Est-ce qu'il y a des bands genre qui font juste des covers, genre des tunes recyclées? Ils devraient faire ça. C'est malade. C'est une guide faite en carton. Ils font juste dire avec la pointe, là. L'idée serait quand même bonne, je pense. Ouais. Fait que c'est ça. Puis donc puis aussi, ben, l'idée de se donner des défis, tout le monde ensemble. Mmh. Ouais, oui. L'UQTR pourrait pas se donner un défi pour la semaine de Québécoise de réduction des déchets en invitant tous les étudiants à porter un geste particulier là, pour qu'on minimise l'impact. Ouais. Puis après ça, il y a plein de petits blogs intéressants là, qu'on peut aller visiter. Les Trappeuses, entre autres, qui offrent plein de trucs là, écolo pour adopter un mode sans zéro déchet. Puis, je rappelle, il y a aussi également la ville de San Francisco qui est vraiment un beau modèle inspirant là, pour aller voir. En fait, eux, ils ont de l'objectif qu'en 2020, ça devienne une ville zéro déchet. Ah oui. Alors, ils sont déjà à 80% actuellement de leur objectif.

Gabriel et Odette. Hey, Mathieu Plante et Tania, ça va? Mais oui! On est super pas en forme, là. C'est, tout le monde a le rhume. Tout le monde est malade. Tout le monde est fatigué. Ah, je sais bien. C'est la température, je pense. Hey, il fait chaud. Hey, c'est débile, il fait chaud. Mais là, tout arrive de dehors, là. Il est rendu 9h. Nous, on est arrivés, il était vraiment plus tôt. C'est très humide, mais relativement frais. Ouais, OK, parce que tout à l'heure, il faisait quand même très, très frais. Ouais. Moi, je suis sortie en gougoune de chez nous, j'ai fait ouh, c'est frisconnet pour les orteils. Il annonce quoi, des orages, de la pluie, ce soir? Ouais. Orage toute l'après-midi. Un orage de plaisir! Hey! Parlant de ça, lundi soir, les gens ont-tu eu du fun à suer dans la chasse à 72 degrés Celsius? Moi, je pense que oui. D'ailleurs, on discutait entre nous, là, les improvisateurs de lundi soir. Les improvisateurs et frères. Oui, exactement. Et puis, il y avait énormément de monde, surtout pour une température, ma foi, suffocante. Il y avait du monde sur la terrasse, puis ils regardaient l'impro, là, c'était pas juste pour chiller. Non, c'est ça, il y avait du monde jusqu'au milieu de la terrasse. Ouais. Non, c'était très agréable. C'était le match showcase, je pense que c'est ça qui a fait... que ça a attiré énormément de spectateurs. Le match showcase, en gros, là, pour ceux qui ne sont pas venus, honte à vous. Pour ceux qui ne sont pas vite. Comme moi, mettons. Je suis désolé. Le match showcase, c'est le match qui se tient toujours immédiatement après le camp de recrutement. L'objectif de ce match-là, c'est de montrer à tout le monde les équipes. C'est assez simple, c'est que tout le monde joue dans chaque équipe. Même les substituts qui vont pas vraiment beaucoup jouer pendant la saison, une fois deux, ils sont là. Exactement. Ce que ça fait, c'est que on voit toutes les équipes dans la même soirée. Et tout le monde est sur un pied d'égalité, là. Tout le monde a le même statut, là. Ça paraît pas qu'il y a quelqu'un qui est capitaine puis l'autre est sub. Non, c'est ça. Tout le monde pareil. Exactement. Puis c'est des demi-matchs, donc des vraiment là. L'ambiance est quand même assez survoltée, je pense, pour avoir joué la première partie du match. Tu disais le mot « pet » puis la moitié de la chasse riait. C'était vraiment le fun. Ça annonce bien la saison. Hein. Non, ça a vraiment bien commencé la saison, comme tu dis, Mathieu. Puis on a eu droit aussi à une belle performance des deux arbitres qui vont être là cette année. La soirée était séparée en deux. Il y a trois arbitres cette année. Alexandre Marchand, qui lui co-animait, étant donné qu'il y a seulement deux demi-matchs, on peut pas... à un moment donné, arbitre à trois arbitres. Là, oui, hein. Mais non, on a eu le droit à une très belle performance de Vincent Rainville et puis d'Alexandre Aramizouéki en tant qu'arbitre. La première partie, c'était les Oranges contre les Rouges. C'est en plein ça. Donc, ton équipe, tu l'as dit, Gabriel Béhoud, qui est accompagné cette année d'un ancien capitaine. Oui. Donc, Marc Lachance. Oui, c'est en plein ça. L'ancien capitaine des Verts de l'année dernière. Il est drôle. Lui, il fait des jours de pète à chaque match. Si vous voulez voir ça. Oui, ça arrive souvent. Karine Perron est de retour. Oui. Gabriel Lecomte est un nouveau, une recrue. Oui, une recrue de l'année. Un petit gars du Climax, si je ne me trompe pas. Non, ou des Scabs. En tout cas, un gars d'une autre équipe d'impro, exactement. Et Nicolas Marino, qui est de retour, il avait joué pour nous il y a 2 ans. C'est en plein ça. Il est de retour en tant que substitut cette année, félicitations. Yes, ben oui, je suis content pour lui. Du côté des Oranges, d'Alexandrine Pichessire, ça c'est la femme de théâtre et de... Oui, de comédie musicale. Elle est accompagnée du retour de Marc-André Marion Flamand en tant que joueur permanent. Oui. Il était substitut l'an dernier. Oui, exact. Complet l'autre avant. Stéphanie Bellet est de retour. Oui, aussi. Une joueuse marquante de l'année passée. Je pense que tout le monde l'a appréciée. Ainsi que 2 nouveaux venus. Oui. Donc, Julien Lavertu-Martel. Oui, qui lui, préparez-vous, mesdames et messieurs, il risque de vous faire énormément rire. Hein. Wow, les autres moins. Non, mais je pense que... non, pas du tout. C'est que... je pense que c'est son rôle dans cette équipe-là. Tout le monde c'est a comme puncher, des rôles. Hein? Exactement, c'est ce qu'on... Le rôle en impro du puncher ou du comic relief. Celui qui arrive pour faire un petit gag à la fin. Le Gabriel Béhoud de l'équipe finalement. Ouais, peut-être. Peut-être que tu t'entendrais bien avec lui, c'est ça? Ouais, mais 2, c'est trop. T'sais. Ah, 2 dans la même équipe, c'est trop. Je pense. Et l'autre, c'est le substitut Alexis Roy. Exactement, un petit nouveau qui lui, il donne pas sa place non plus. Là. On devrait avoir vraiment une belle saison. Du côté des Rouges comme des Arbitres. Vincent Rainville, comme tu l'as dit, qui était arbitre de la première partie du match. Oui. Nouvelle expérience pour lui, qui était capitaine l'année passée de l'équipe des Bleus. Oui, il nous a rien donné vraiment de super différent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la formule de commencer la saison avec des classiques, des façons de faire, des improvisations qui sont pas trop mélangeantes, qu'il faut pas trop réfléchir. Non, c'est ça. Puis pour un match showcase où on joue un demi-match, c'est pas le temps je pense que Vincent partage cet avis-là. Mm-hmm. C'est pas le moment vraiment là, d'essayer une nouvelle catégorie qu'il faut que tu expliques à tour de bras. Ouais. On a été avec des catégories simples qui marchent au coton. Ouais. Par exemple, la vidéo où les improvisateurs se rencontrent et puis chacun, et ils font un poste de télévision. Frac TV, Historia, Canal Météo. Super écran, oui. Et puis, l'arbitre change de poste à sa guise. Donc, on peut tomber, par exemple, au milieu d'une émission. On peut tomber au début d'un film pour adultes, ce genre de trucs-là. C'est vraiment c'est une catégorie de fun. Puis on a eu une double poursuite. Oui, ça, OK. Il y a ça, toujours cool aussi, une impro un petit peu plus compliquée, mais une fois que tu la vis, finalement, c'est quand même assez simple à comprendre. C'est pas compliqué. C'est l'explication. J'explique là pour les nouveaux. Ouais, les néophytes. La double poursuite, c'est très simple. C'est que d'un côté, par exemple, les oranges commencent l'improvisation et puis ils commencent une histoire et puis ils sont trois personnages, donc ils placotent de leur histoire, blablabla. Là, l'arbitre siffle. Les oranges viennent remplacer chacun des joueurs... les rouges viennent remplacer chacun des joueurs des oranges... Dans la même position. Exactement, pour poursuivre l'improvisation. Donc, ils reprennent... ils ont vu le sketch. Donc, continue vraiment dans la même histoire. Oui, tu reprends le même personnage. Parce qu'il y en a une à l'aveugle où les équipes quittent la salle, mais ça, c'est autre chose. C'est ça, c'est complètement autre chose, ouais. Qui peut être comique parce que ça ressemble pas du tout. Moi, je préfère vraiment celle où vraiment il y a une poursuite, donc où on voit, en fait. Je trouve que c'est ça le plus intéressant parce que... parfois, tu te ramasses à remplacer un joueur. Tu dis « Ah, moi, je vais. » Et tu te ramasses sur l'improvisoire, puis tu remplaces le personnage que tu voulais pas remplacer. Par exemple, ça peut être très, très, très, très, très comique. Mais je pense que ça a été une des très bonnes improvisations de cette première moitié de match showcase, puisqu'on assistait à une jeune fille qui a lâché la médecine pour s'inscrire en récréo et qui doit l'apprendre à ses parents. C'était quand même comique. Là. Ouais, pas pire par doute. Ensuite, en deuxième partie de match, c'était les Verts contre les Bleus. Oui, officié par Alexandre Laramiswiki. Alexandre Laramiswiki qui s'est donné une personnalité dès le départ en choisissant la chanson d'Édith Piaf. Non, rien de rien. Oui, c'est... Non, je n'ai rien. Tu sais, quand tu parles d'une entrée pépée. Vraiment? Tu sais, avec beaucoup de pep. Là. Et comme Alex Marchand a dit... faites pas pleurer Alexandre Laramiswiki parce qu'il fait son air bête en tant qu'arbitre, mais ça paraît que c'est un gars sensible. Ah oui, je l'ai déjà ramassé en petite miette, moi. Ouais. Donc, c'est ça, c'était lui qui était l'arbitre, qui a quand même. Il était sévère sur les pénalités, il me semble. Oui, il en a donné quelques-unes. C'est qui a inventé une pénalité Gabriel Béhoud? C'est qui ça? On a inventé une pénalité avec un nom d'une personne, c'était pas toi. Non, c'était Francis Dugré-Lampron. Francis Dugré-Lampron, excuse-moi, les deux de notre famille. Hein. Oui, non, c'est ça. La pénalité Francis Dugré-Lampron qui s'agit de. En fait, c'est une pénalité qu'on décerne à un joueur lorsqu'il prend dans ses bras ou sur ses épaules un autre joueur sans son consentement. Souvent, pour Francis, de sexe masculin. Je pense qu'il profite de son rôle. Non, Francis, il en profite à mort. Là. Et puis, ça donne vraiment des... C'est souvent des fois où tout le monde en salle se stresse un peu parce qu'on appréhende un accident qui pourrait être fatal, disons-le. Il n'y a pas de sécurité à la chasse galerie le lundi soir. Non, je l'ai pas vu. Non. Est-ce que ça s'est déjà battu? Il est dehors puis il jase avec les filles qui font les hot dogs. Non, c'est pas vrai. Non, je sais pas. Ouais, j'ai mangé des hot dogs pendant le match, c'était vraiment bon. Tu disais, Tom? Est-ce que ça s'est déjà battu? En dehors de l'improvisoire? Il me semble que non. Je vois pas de ce que j'ai vu, là. Mais c'est pas la même foule, vraiment. Que les soirées. Que les soirs où ça se fait. Vraiment pas. Non, c'est vrai. Mettons, là, si. Si on faisait passer un test, je sais pas moi, de QI à l'entrée, probablement, j'ai l'impression, puis pour prêcher pour ma paroisse, j'ai l'impression que le QI moyen des gens qui en impro, il est légèrement plus élevé que ceux du mercredi soir. C'est exact. L'odeur est meilleure. Oui. Il y a beaucoup d'avantages à venir à la chasse-galerie, pas mal le jour et les lundis soirs. Ben, les lundis soirs, moi, si je me mets à la place, par exemple, de quelqu'un qui se dit « Hey, est-ce que je vais écouter l'impro lundi prochain pour le premier match régulier de l'année? » Je peux vous donner quelques points qui militent en faveur. Ah, c'est bon. Par exemple... On sort le tableau. Oui. Et on suit ça, on l'écrit au tableau. Go! En fait, vous assistez à un match d'improvisation qui est totalement gratuit. Hey! Ça vous divertit. C'est... Moi, je trouve, en tout cas, on en a déjà parlé, Mathieu, je pense que c'est l'endroit par excellence pour faire une date. C'est vrai. Ah, t'as pas de pression, c'est les autres qui sont drôles. T'as l'occasion de discuter un peu pis tout, mais si finalement justement la fille ou le gars est vraiment plat. Ouais. Tu le sais là. Ouais, c'est ça. Il rira pas. C'est ça. Parce que est-ce qu'il faut absolument être drôle à une première date? Être drôle? Moi, je sais pas, moi. Peut-être pour ça que je suis encore célibataire. Ah! Non. Être drôle, ben, je pense qu'il faut être intéressant, mais. Ouais. Il faut être vrai. Disons-le. Ouais, disons-le nous-mêmes. Faut pas jouer le game. Faut pas jouer la. Non, je sais pas. C'est ça. Il faut pas mentir sur sa personne. Ceci étant dit, oui. Apportez vos dettes à l'impôt. Oui. L'autre avantage, la bière est pas chère. Si on voit l'impro, on le sait que. Si elle vient à l'impro, c'est la première fois. Incroyable. Si tu viens à l'impro, je t'embarrasse, c'est sûr et certain. Parce que je sais que tu vas être avec un gars. Ouais. Ou une fille, peu importe. Nous ouais, c'est ça. Vraiment, on est je vais t'aider avec une amie. Non, c'est sûr. En tout cas, la bière est pas si chère que ça le lundi soir. C'est sûr que ça bat pas les prix du mercredi, mais la bière, non, c'est sûr, la bière est pas chère. D'ailleurs, parlant de bière pas chère, pour les personnes qui voudraient venir à l'impro le lundi soir, sachez que durant le spectacle d'improvisation... Attends. Est-ce que vous faites tirer de l'alcool? Oui. C'est courant, hein? Ah ouais? À chaque match, en fait, il y a toujours deux pichets qui sont une commandite de la chasse-galerie qui sont remis à la foule. Donc, t'as juste à te pointer puis t'as vraiment une chance inouïe de pouvoir gagner un pichet gratuit pour toi et tes amis. C'est vraiment le fun quand c'est toi le rue gagnant, là, évidemment. Oui, en effet. Et puis, puis on vous dira pas les façons de tricher pour avoir un deuxième billet, là, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont profité de ça. Oh. On vous surveille. On vous watch. Il y a du monde qui ont des deuxièmes billets. Ouais, je te dis comment ils font. Comment? Je te jure. Il y a, en tout cas, moi, je pense, là, ils se font distribuer un billet dans la foule, puis après ça, ils viennent voir à la table des animateurs. J'ai on m'a pas donné de billet, puis là, tu lui donnes un billet, ça. Aïe, aïe. En tout cas, c'est une twist de même, là. Faites pas ça à la maison. On a des caméras. Ouais. On snipe ceux qui font ça. Mais à part que ça, ben, ça te fait quelque chose. Premièrement, tu vas rire. Ouais. Là. Ça change vraiment. Moi, je pense que ça l'aide à changer les idées. Puis quand t'as un rhume, ça extériorise aussi tout ce que t'as à l'intérieur. Ah, définitivement. Puis tu ris, puis là, t'as comme un splouche sur la tête de la personne dans l'avant. Ouais. C'est en plein ça. Puis je pense que c'est pas mal ça pour les avantages. T'en as-tu, toi, Mathieu? Moi, je trouve que c'est des avantages absolument parfaits. Il y a aussi l'animation. Mathieu oui. Plante. Ben oui, non, c'est vrai, j'oubliais. C'est le même animateur que l'émission du Midi. Mm-hmm. Exactement. Ça, ben oui. Puis non, c'est vraiment drôle. Puis les gens sont beaux, en plus. Ouais, ouais. Vous allez avoir votre béguin de l'année, c'est clair. Ben, moi, je pense que oui. Vous êtes trippé sur quelqu'un qui est en couple tout le temps. Tout le temps, ça. Sûrement. C'est pas grave, ça. Connaissez-vous le dicton? J'ai descendu le moral. Ouais, hein? Vous connaissez pas le dicton? Ça fait point. Un chum, ça se tue. Non, c'est pas grave. Le fameux dicton! Oui! Non, je pense que vraiment, pour en avoir vu en plus, j'en ai vu, moi, des personnes qui étaient en deuil. À la chasse-galerie le soir de l'impro. Puis après, ben, c'est une belle excuse pour aller prendre soit un verre ailleurs ou manger quelque chose. Est-ce que t'as des joueurs dans la lutte qui amènent une date dans la foule, genre tout seul assis sur sa chaise? Viens me voir à l'impro, ça serait bizarre, non? Ben, moi, je pense que je parle pour les improvisateurs. Ouais. Si vous avez un bon match, moi, j'ai déjà parti de la chasse avec genre 7 filles en même temps. C'est pas des farces. Okay. Non, c'est surtout pas très vrai. Non, ils aident à ramasser les bandes. Non, mais les pour. je peux pas dire ça. Vas-y. On fait semblant que t'es quelqu'un d'autre. Non. Ça, j'allais dire de quoi c'est pas gentil. Pas gentil. OK. Ben, en tout cas, j'ai déjà. C'est pas gentil. Attends, me le dire. Ouais, il y a déjà. Ça me dérange pas, dans le fond. Il y a déjà du monde, tu sais, qui viennent te voir. Ça arrive, là, puis c'est ça pour tous les improvisateurs. Qui viennent te voir que tu connais pas, mais qui étaient là lundi soir, tu sais, qui disaient, hey, c'était vraiment drôle. Ah, ben, merci, tu sais. Puis, tu sais. Moi, les seules filles qui... je peux pas croire, je vais dire ça. Les seules filles qui étaient déjà venues me voir, à part, par exemple, ma blonde, ouais. Là, et tout ça, qui étaient venues, on aurait dit qu'ils avaient gaulé une game de d'or. Là. Ils étaient... Ah, OK, merci, c'est smart. Ben, non, c'est vraiment pas fin, qu'est-ce que je dis là. Hein? Ils avaient gaulé une game de d'or. Ouais, je suis pas certaine de ce que ça veut dire. Est-ce que c'est quelque chose d'un petit peu genre... tu parles contre leur apparence physique? Ben, c'est méchant, oui. Ouais, elles avaient l'air de sortir pas dû dire ça, en fait. Non, c'est un peu méchant, moi. Ouais, excusez-moi. Mais c'est quand même drôle. Non, ben, c'est pas vrai, là. En fait, c'est plein de beaux mondes, là, à l'impro. En fait, c'est que ça m'est arrivé. Ah, je peux pas dire ça. J'essaye de t'en sortir, mais je sais pas. Moi, je me creuse mon trou, puis bien profond. Vraiment. En plus, il fait chaud. C'est pas grave. Mais... Si on a parlé tantôt de féministe, il fallait bien qu'on fasse le pendant homophobe. Ah oui, ben, je vous. Je te jure que j'ai cherché sur Internet l'expression gauler une game de d'or. Ça existe pas. C'est-tu encore plus butch que gauler une autre game de notre sport? Moi, je vais t'en faire le plus longtemps possible, là, ça. Ben, gauler au d'or, là. Faut que tu bouges dans ta barouette. Ben, faut. Si tu fais les arrêts, t'as le visage en conséquence. C'est juste ça que je veux dire. Ah, c'est ça que tu voulais dire. Alors, c'est pas la même chose. T'as que pas je d'équipement là, quand tu go une game de dards, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est ça. Je pensais que c'est parce qu'il fallait qu'ils tirent leur dard comme un strap-on. Non, non. Ah. Quoi? Hein? Je suis pas sûr que je l'ai compris, celle-là. Aligner son... Ouais, ouais, d'accord. Non, hey. Ben, finalement, hein, ils font tirer de la bière. Oui, oui. Lundi soir prochain. Lundi soir prochain, ça va être le match contre les Verts. Ah, on n'a pas encore fini le match en cours. On est rendu à la deuxième personne, on n'a pas mentionné les joueurs. Ah non, c'est vrai, go. Ah, donc, dans les Verts, oui, l'équipe ils vont jouer la semaine prochaine. Oui, hein. L'équipe de Francis Dugré-Lampron, qui a reçu sa propre pénalité à son nom. Oui. On a Jocelyn Garneau qui est de retour. Oui, ça c'est un retour inespéré. Un des meilleurs joueurs d'impro en Mauricie. Très fort, très très fort. Ensuite, on a une recrue, Caroline Talbot. Oui. On a Frédéric Simon, qui était co-animateur l'année passée, oui, qui revient dans l'équipe, enfin. Yes. Notre DJ est rendu dans l'équipe en tant que substitut. Exactement. Maxime Landry va être dans les Verts. Ouais, puis ils sont vraiment dans une belle école impro, l'équipe des Verts. Ouais. Dans le sens où ils ont Jocelyn, qui est un gars qui a énormément d'expérience, puis ils ont Francis, qui est quand même assez solide aussi. Ouais, absolument. Ensuite, du côté des Bleus, l'équipe de Magali Brousseau-Arcan. Ben oui. Oui, son équipe où elle s'est choisie une seule fille. J'aurais pensé qu'elle aurait eu plus, mais quand même. Donc, Xavier McLeish est là-dedans, notre chroniqueur que tout le monde adore. Ensuite, Joliane Dufresne, qui apparemment est de retour. Elle devait. On m'a dit qu'elle jouait dans la Luitre il y a très longtemps de cela. Je crois qu'elle a plutôt joué dans la Lime. Dans la Lime. Mais elles sont passées très, très sombres. Et, Oh, ah oui. Non, c'est pas vrai. Est-ce qu'elle a gaulé au dard? Non, pas du tout. Au dard. Oh. Jonathan Picard est de retour aussi. Ainsi qu'un nouveau, Raphaël Jutras, qui est substitué. Ben oui, mais c'est pas des farces. L'équipe de Magali, 40% des gens sont en récréo dedans. Wow! Il y a quelque chose derrière ça, je pense. Ben oui. Bref, nous voilà à la fin du match de lundi, le match où on a rencontré tout le monde. Et tu l'as dit, deux de ces quatre équipes-là vont jouer un match régulier lundi prochain. Exactement, les Rouges contre les Verts, donc à 20h à la Chasse-Galerie. C'est gratuit, comme je vous disais. Et puis, pointez-vous légèrement avant 20h si vous voulez avoir des bonnes places, parce que sinon, vous ramassez aux côtés de la machine à popcorn. C'est bruyant un peu. Ouais. C'est ça, entendre les gens qui rentrent, sortent du pavillon. Le lave-vaisselle. C'est ça, c'est moins grave. Pas le fun du tout. Donc, lundi, 20h à la Chasse-Galerie, et la soirée va se continuer. Des fois, il y a un chansonnier après, des fois, il y a d'autres activités comme ça. Donc, c'est ça. Soyez-y. C'est à la Chasse-Galerie de l'UQTR. Ben oui. Voilà, merci, Gabioun. Hey, ça me fait plaisir. On a parlé d'impro, on n'a pas encore trop sorti de ça, à part pour parler de l'art, là, mais. J'ai toujours chaud. Est-ce que t'as d'autres phrases comme ça qui sont moins louches, mais qui veulent dire quelque chose, des expressions que tu utilises souvent? Ah oui, bien. Tu viens d'où déjà? Moi, j'ai de Sorel. Sorel. Ben oui. C'est l'expression de Sorel. Bon, ben, appelle-toi, là, Radio Prison. Oui, c'est vrai. Mais, c'était la semaine passée. J'en ai une. Oui. Puis, je toucherai pas avec un laser. Ça, je trouve ça drôle. ça. Des fois, c'est avec une perche, mais là, c'est avec un laser, c'est encore plus loin. Un laser, je trouve, c'est encore plus drôle. Tu visais les avions, là, c'est loin. Ouais. Puis, non, à part que ça, il manque 4 sous pour faire la... Il manque un 30 sous pour faire la pièce. Ouais. OK. Mais ça, c'est des expressions connues. Québécoises. Ouais. Ah oui, c'est avec des scènes qu'on fait des pièces. C'est ça. Et voilà. C'est plus vrai, par exemple. Non. C'est avec des 5 cents, ouais, des pièces ça. Minimum. Ouais, on s'entend-tu que les 5 cents, c'est pas plus utile que des 1 cent? C'est-tu le pire change? Les 10 cents, c'est encore pire. C'est tout petit, tu perds ça tout le temps. Comment c'est 25 cents, ça marche? Ouais, mais en même temps, tu sais... Les petits bonbons en 10 cents. Ah, j'avoue. Mais est-ce que t'en achètes juste un? Ben moi, oui. Ah, OK. Lui, il va te prendre un bonbon. Pour calmer ton rush de sucre là, que tu veux avoir. Un bonbon, c'est jamais à 100. En tout cas, moi, je parle pour moi, là, mais d'habitude, tu sais, les sacs de bonbons mélangés dans les DEP, là, je pense que ça dure 27 secondes et quart, là, ce sac de bonbons. Là, ça se dépare en temps de dire. Bonbon miel, tu sais, l'abeille avec son bar. Hein. C'est quand tu veux gauler. Oui. Oh boy! Il y en a, c'est, comment ça s'appelle ça? Des bonbons miel? Ouais. Je sais pas. Mais des bonbons miel? C'est des honeycombs, ben des oui. céréales. Ben oui. C'est des bonbons miel? Hey, on se casse ça. Tête, hein? Tu connais pas les bonbons miel? Après avoir gaulé au dard. Hein? Non? Ben oui, je connais ça. Les bonbons miel? Je l'ai souvent dans mon sac. C'est bon pour la gorge. Ouais, c'est très bon pour la gorge. C'est-tu qui est bon pour la gorge aussi? Je sais que tu t'en vas. Hein. Je ne veux pas savoir. Non, non plus, c'est ça. Mais le rhume est partout. Puis je pense que les ventes de ça, que tu t'insères dedans. Hey, les bonbons d'Halloween sont sortis d'ailleurs. Je pense que je vais aller m'acheter ça. Là. Mais ne pas se les mettre là, par contre, ceux-là. Non. Non. Mais en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Toi aussi. Okay, en tout cas, les tirs Sainte-Catherine, ça doit bien rentrer, mais on ne peut pas. Moi, j'aime ça. Les tirs Sainte-Catherine, je suis le seul. OK, juste le bonbon, OK, pas te le mettre dans le... Non, ben non, okay. Tu m'as l'air. Non, j'espère pas.

Bon, foutu palmarès, oui, c'est la chronique où on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Cette fois-ci, en fait, c'est assez précis pour rebondir sur la chronique sur le féminisme, sur les femmes, tout à l'heure avec Tania. Oui. J'ai choisi deux petites listes qui ont rapport avec les femmes. Ah, c'est merveilleux. Commençons par les huit choses que les femmes n'avaient pas le droit de faire. Oh boy. Tu te rappelles tantôt dans ta chronique, on a parlé de conduite, que les femmes ont maintenant le droit. C'était où, en Arabie Saoudite, quelque chose comme ça? Oui, exactement. Bref, l'égalité des genres, évidemment, a pris un petit peu plus de place depuis les dernières années. Mais les femmes sont quand même toujours moins payées dans presque chaque domaine, peu importe leur éducation, peut-être même peu importe leur syndicat. Mais il y a d'autres prohibitions du passé qui était pas mal pire, en fait. Commençons par le fait d'avoir une carte de crédit. OK. Les salaires sont toujours inégaux aujourd'hui, mais il y a un moment où les banques, en fait, disaient aux femmes comment dépenser leur argent, même s'ils en avaient beaucoup moins que les hommes. Dans les années 70, les femmes divorcées ou célibataires qui appliquaient pour une carte de crédit devaient amener un homme pour co-signer leur application. Okay. Là, ouais, et lorsqu'on pesait leur salaire, les institutions considéraient seulement la moitié du montant. Donc, si tu faisais un montant par année, ils le divisaient en deux. Parce que t'étais une femme. Ah, ben oui. Le Sénat américain a dû passer le Equal Credit Opportunity Act en 1974 pour que les prêteurs d'argent arrêtent de discriminer basé sur le genre de la personne et sur son statut. En théorie, en tant que tel, parce qu'en 2012, les femmes étaient payées toujours un demi-point de pourcentage de... un demi-point de pourcentage de plus que les hommes sur leur intérêt de carte de crédit, peu importe leurs finances. Ah, voilà. Wow. Hein? Ouais. Ensuite, servir sur un jury. Oui. Ouais, au début du siècle, les femmes qui commettaient un crime avaient de très mauvaises chances d'avoir un jury de ses pairs. Tu sais, on dit souvent un jury de ses pairs, donc il n'y avait pas de femmes sur le jury, même si les femmes avaient commis le crime. Donc en 1879, pardon, la Cour suprême a réaffirmé une règle qui disait que les jurés femmes souffraient en fait d'une défectuosité de genre, de sexe dans le fond. Donc les femmes n'étaient pas aptes à être jurées. Wow! Ouais, donc c'était constitutionnellement acceptable pour les cours de bannir les femmes. Alors, en 1927, seulement 19 États avaient décidé que c'était ridicule tout ça, et le reste était en fait très satisfait d'avoir que des hommes dans leur jury. Ils trouvaient que c'était inapproprié pour les femmes d'entendre les détails de cas criminels. Incroyable, hein? On pensait que les femmes en fait allaient être trop émotionnelles envers les criminels. Le Congrès a changé le langage pour les jurys au niveau fédéral en 1957, mais les États pouvaient quand même choisir d'exclure les femmes jusqu'à une décision de la Cour suprême. Ça, c'est celle avec la crème dessus. En 1975. Ouais. Ridicule. Tout à fait. Ensuite, porter un maillot de bain pratique. Les plages publiques, dans les années 20, n'étaient pas une place pour montrer sa peau. Non. Plusieurs gouvernements locaux avaient des standards, des règlements pour les maillots de bain des femmes. Ça empêchait, en fait, de montrer trop de jambes. La police, en fait, surveillait les plages avec du ruban à mesurer. Tout à fait vrai. Les femmes qui insistaient, donc qui portaient quelque chose d'autre que des gros sacs de patates, comme on appelle, se faisaient demander de se changer. Et celles qui défiaient les règles se faisaient arrêter. C'était pas avant le bikini, donc, qui est devenu un accessoire de mode dans les années 1950, lorsque Brigitte Bardot a été photographiée avec un bikini, que les femmes ont compris qu'elles pouvaient montrer la peau qu'elles voulaient bien. Les hommes, en fait, n'étaient pas exemptés de cette hystérie sur les plages. Ils n'avaient pas le droit d'enlever leur dessus, leur top. Avant 1937, les hommes. Oh, mon Dieu. Étrange. Ensuite, travailler pendant qu'on est enceinte chez les femmes. Ben oui, clairement. Jusqu'en 1964, le congé de maternité était considéré comme permanent. Les employeurs n'avaient aucune obligation de garder les employés qui étaient enceintes. 40% des entreprises profitaient de ce manque de loi empêchant de le faire. Les femmes qui étaient enceintes n'avaient pas la protection complète et l'accès aux avantages qui viennent avec aux États-Unis avant 1978 et le Pregnancy Discrimination Act. Ensuite, prendre des pilules anti-contraceptives, comment on appelle ça? C'est anti-contraceptive ou anti-contraceptive? Anti-contraceptive, non, la pilule contraceptive. Ah, c'est ça, je... Ouais, anti-contraceptive. Je suis tout le temps mêlé dans ces termes. Si tu voulais avoir des enfants. C'est ça. Bref, c'était un sujet tabou pour une bonne partie du 20e siècle. Les couples dans plusieurs États n'avaient pas le droit de faire autre chose pour faire interférence avec le processus de la nature avant que la Cour suprême décide autrement en 1965. Donc, c'était parfait pour les femmes mariées, mais une femme célibataire, en fait, n'avait toujours pas le droit d'utiliser des contraceptifs oraux dans 26 États. En 1972, la Cour suprême a enfin reviré une loi du Massachusetts qui faisait que distribuer les produits contraceptifs à des personnes célibataires était illégal à ce moment-là. Donc jusqu'en 1972. Ensuite, jouer au football, donc le soccer, le vrai football, comme on l'appelle. Des milliers d'hommes se sont, sont partis en fait à la Première Guerre mondiale en 1915. Les femmes laissées derrière en Angleterre ont pris leurs tâches professionnelles et récréatives. Le soccer pour femmes, donc le football pour femmes, des équipes se sont construites. C'est devenu une sensation. Les gens adoraient ça. Ça attirait des foules de 50 000 personnes et plus. En 1921, par contre, la Football League, qui gouverne tout ça, a pris le conseil d'un physicien et a déclaré que ce jeu-là n'était pas bon pour les femmes, pour le corps féminin. Ouais. Donc, les équipes féminines ont été bannies des terrains pour hommes jusqu'en 1971. Tania fait un signe à ces gens-là là, qu'il ne faut pas répéter à la radio, mais Colin, un seul physicien a décidé que les femmes ne joueraient pas au football. Oh boy! Ensuite, toujours dans la liste des choses que les femmes n'avaient pas le droit de faire dans le passé, regarder les Olympiques. Attends, pardon? Regarder les Jeux Olympiques. La naissance, femmes n'avaient pas le droit. Les femmes n'avaient pas le droit. La naissance des Jeux Olympiques modernes en 1896, on fait qu'il y avait de plus en plus d'athlètes féminines qui avaient le droit de participer à des compétitions, mais les Grecs, à l'époque de la Grèce antique, avaient une autre approche. En plus de ne pas avoir le droit de participer, les femmes mariées ne pouvaient pas se présenter à l'événement en tant que spectatrices. Le faire, en fait, était puni, pouvait être puni par la mort. Ouais, et cette aversion aux femmes dans le public est réapparue en 1930 quand l'armée britannique les a bannis donc de regarder des matchs, étant donné que c'était pas un bon. On disait que je m'excuse, la définition du mot pugilisme ne m'est pas familière. Oui, c'est la boxe. J'avais aucune idée. J'ai jamais entendu ce mot-là de ma vie, mais bon. Donc, c'est ça, la boxe, c'était pas un bon spectacle pour les femmes. Ben non. Voilà. Même quelqu'un qui avait gagné un prix, sa femme pouvait pas se présenter. Mais faut voir. Aux Olympiques, je te jure. Et pour terminer, fumer dans des endroits publics. Pour les hommes, fumer, c'est bon, une activité souvent masculine, virile, comme on dit. Mm-hmm. Quelque chose que les cowboys font. Mais pour les femmes, à New York, c'était vraiment pas joli, disait-il. Donc la ville a banni les femmes. Elles n'avaient pas le droit de fumer dans les entreprises publiques, comme les bars, les hôtels et les restaurants. C'était banni depuis 1908. Aïe, aïe. L'histoire, en fait, qui est une femme... C'est qu'une femme qui ignorait la loi a été amenée devant un juge. Elle avait osé allumer sa cigarette sur une rue. Elle s'est plainte à la presse locale qui avait un genre de double standard. Et là, on a fini par retirer cette règle-là. Mais selon le Museum of the City of New York, la loi n'a pas été retournée ou revirée de bord jusqu'en 1927. Wow! Hein? Voilà pour la liste des choses que les femmes n'avaient pas le droit de faire par le passé. Continuons dans la même veine avec des faits surprenants sur les seins. Mm-hmm. Oui, tu vas me dire, bon, OK, c'est ça, tu parles de femme, fait que tu parles de seins. Non, mais c'est des faits intéressants sur les okay. seins. OK, allez, vas-y. Et il y a juste les femmes et les personnes qui sont en processus d'eux ou qui étaient femmes. Oui. Bref, c'est les gens qui ont des seins. Okay. Ceux-là, là. Donc, il y a des seins, des boobies. Mm-hmm. Peu importe comment on les appelle, quelques petits faits intéressants. Donc, nos amis, les seins. Commençons par le fait que certaines femmes peuvent avoir un orgasme via la stimulation des seins. Je savais pas. Deux éducatrices sexuelles bien placées ont conduit une étude en profondeur pour dire que les femmes, en fait, pouvaient se rendre à l'orgasme via la stimulation des seins et seulement ça. Dorian Solat et Marshall Miller, les auteurs de I Love Female Orgasm, An Extraordinary Orgasm Guide. Donc, ce livre-là dit que 1% des femmes dans leur recherche étaient capables d'avoir ça seulement en jouant avec leurs seins. Ensuite, les seins sont plus fraternels qu'identiques comme jumeaux. J'imagine que tu t'en es rendu compte parce que pas mal tout le monde, ce que j'entends dire, c'est que les femmes ont des seins qui sont différents l'un de l'autre. Mais on a tous un côté différent, peu importe le sexe, là. Asymétrique. Exactement. Oui, exactement. Donc, un bras plus long que l'autre, un pied plus gros que l'autre, peu importe. Il y en a qui portent un soulier d'une taille, d'un bar, d'un soulier de l'autre taille, de l'autre bar, ça arrive. Mais un sein plus large, ça existe aussi. Donc, une étude publiée par l'International Journal of Clothing Science and Technology nous dit que le sein droit en moyenne est plus gros que le gauche. En général. Ah, OK. Ouais. Les seins peuvent peser autant que 3 briques. Imaginez transporter 3 briques avec vous toute la journée et ensuite dormir avec 3 briques sur le corps. C'est pas pour rien qu'ils vendent des infopubs, le petit truc de placer que tu te mets les deux seins. La brassière moyenne peut soutenir des seins qui pèsent entre 0,23 kg, donc une demi-livre, jusqu'à 9 kg. Ça, c'est 20 livres. Environ le poids de 3 briques. Très lourd. Et si t'aimes les seins larges, les seins gros, les seins énormes, on dit qu'en 2013, les hommes qui n'avaient pas, qui étaient plus en bas de l'échelle socio-économique préféraient les femmes avec de plus gros seins. Ah, ouais. Parce que le plus grand contenu en gras pourrait indiquer que ces femmes-là ont accès à de meilleures ressources. Évidemment, selon une certaine étude. Là. Okay, ouais. En fait, là, ces chercheurs-là disent que ceux qui viennent d'une historique plus, d'un niveau socio-économique plus faible désirait des femmes avec des seins plus gros plus que les hommes qui avaient donc une historique socio-économique plus moyenne. Ah. Et de l'autre côté, les femmes qui viennent d'une historique socio-économique moyenne aimaient une plus grande paire de seins que ceux qui sont dans un statut socio-économique plus élevé. Donc on se comprend, plus ton statut économique est élevé, moins tu aimes les gros seins, c'est ça? Je comprends. C'est comme ça. Donc plus l'homme est pauvre, plus les seins doivent être gros. C'est drôle quand même comme statistique. Oui, selon nos recherches. Ouais, c'est ça. Ensuite, tout le monde regarde tes seins, Tania. Tout le monde. Et là, on dit vraiment tout le monde en majuscule. Selon une étude où les femmes et les hommes avaient un appareil pour surveiller leur regard. Hein? Les deux sexes regardaient les seins des femmes au lieu de son visage. Les hommes le font plus longtemps, par contre. Ouais, d'après moi, ouais. Donc les femmes regardent les seins, mais elles le font plus rapidement et probablement plus subtilement. Elles se comparent, probablement. Mais ensuite, pas probablement, c'est ça. OK, si tu le dis, t'es une femme. Numéro 6 de la liste des faits surprenants sur les seins, grâce au site I Fucking Love Science. Le sixième, c'est sur vos mamelons. Il y a différents types de mamelons, en fait. On les appelle en anglais normal, flat, donc plat, puffy, gonflé, et inversé. Tu sais, les mamelons qui vont vers l'intérieur du sein. Il y a 3 degrés d'inversion, en fait. Il y a aussi le unilatéral. Et exactement comme l'asymétrie des seins, les deux mamelons peuvent ne pas aller ensemble. Clairement. Ou tu peux avoir un triplé. Hein. On a parlé tantôt de tes jumeaux fraternels et non pas identiques. Tu peux avoir un troisième sein. Oui. Ou en tout cas, un troisième mamelon. Mais rares sont les personnes à qui ça arrive. Rares sont les personnes et rares sont les troisièmes mamelons. Mais en fait, peut-être pas si rare que ça. Avoir un troisième mamelon en quelque part sur son corps, ça s'appelle de la polytélie. Ah, d'accord. Environ 3% des gens, c'est quand même pas mal, 3% des gens ont une tétine de plus selon Pathology Outline. Les estimations varient dépendant de l'endroit. Le National Institute of Health ainsi que leur Office of Rare Diseases, le Bureau des maladies rares, estiment que moins de 200 000 personnes aux États-Unis ont un mamelon additionnel. Et souvent, on le prend pour un grain de beauté. Ça pourrait apparaître un petit peu partout sur le corps. Donc, explorez-vous d'un petit peu partout pour voir si vous êtes dans les 3%, bien chance. Ensuite, fumer pendant que vous êtes enceinte, ça peut causer, en fait, l'affaissement des seins. Ah ouais? Il y a une protéine vitale dans la peau qui s'appelle l'élastine, tu connais sûrement, ce qui donne l'élasticité à la peau, donc ce qui fait que tu peux étirer ta peau sans que ça te déchire. Mm-hmm. Mais fumer de façon continuelle pendant la grossesse, ça peut en fait défaire un peu cette protéine-là. Ça va faire que tes seins vont pendouiller. Ah. On dit que d'autres grossesses peuvent causer aussi un affaissement des seins. Une étude en 2007 présentée lors d'une conférence à l'American Society of Plastic Surgeons nous a appris ça. Ah, je savais pas. Finalement, il y a un département complet de brassières à la Hong Kong Polytechnic University, créé par une compagnie de brassières Top Form. Le laboratoire est purement dédié à la recherche et au développement des brassières. Ça existe. Est-ce qu'on peut aller y faire un tour? Probablement. Est-ce qu'il faut que tu l'achètes? C'est sur polyu.edu.hk si vous voulez en savoir plus sur la Hong Kong Polytechnic University. Voilà pour ces faits sur les femmes. Hmm. Pas pire. En effet. Stéphanie Paradis, qui est là encore une deuxième fois dans cette session-ci. Elle va être là avec nous pour l'éternité, je suis certain. La voici avec sa patate de sofa. Patate de sofa, Stéphanie Paradis. Hey, hey! Tu parles de télé comme ça aux deux semaines? Ben oui. Mais je vais commencer par remercier David Ferron. Oui. Qui m'a prêté involontairement ses écouteurs. Il traînait là. Mais j'espère juste qu'il va juste me prêter ses écouteurs et non son rhume. Est-ce que tu penses qu'on peut attraper un rhume en portant les écouteurs de quelqu'un? La cire d'oreille, peut-être, on sait pas. Peut-être si c'est un rhume de cerveau. Peut-être. Oh, peut-être. David qui est là en ce moment. David, est-ce que tu penses qu'il va attraper quelque chose par tes écouteurs? Ben moi, quand je prends mes écouteurs, je prête aussi autre chose. Ouais, ouh! Ah! Mais là, on va pas dans les détails. C'est subjectif, cette chose! S'il te plaît, garde ça de ton bord de la table. Donc, Stéphanie qui a regardé une série sur 2 semaines. Je pense même que tu as vraiment étiré ça le plus tard possible. Ben en fait, la vie étant ce qu'elle est, je vais pas vous parler de nouveautés de septembre aujourd'hui. Ben parce que j'ai pas eu le temps. Hein, veux pas, ça prend du temps de s'embarquer dans une nouvelle série. C'est Stéphanie, vrai. Stéphanie, elle a une fille en plus. Il faut bien qu'elle s'occupe d'elle. Ben, ouais, puis à 2 ans, ben